Quelqu'un veut peut-être sortir. Bravo les super-héros, vous êtes bien tous les mêmes. Les super-héros d'Indestar, c'est les Peck Avengers. Jusqu'à très tard ce soir. Nous sommes sur Indestar pour parler mythes et légendes dans l'émission Peck Avengers 2.0, où ce soir on fait Halloween un petit peu en avance avec ça, vu on est légèrement en avance quand même. Un jour, je sais pas ce que vous en pensez, mais. Ouais, carrément. Oui. Si on nous appelle, on fera Halo. Je sais pas si on fera Halo. Win. Oui, par exemple, oui. Ça pourrait être un gag à faire ça. On peut faire gagner quelque chose. Halo Win. D'ailleurs, c'est vrai qu'on pourrait. Pour la blague, j'avais un copain quand j'avais une vingtaine d'années. Il s'appelait Win. On l'appelait Win. Hein. Bah, non, c'est vrai, il s'appelait Win. Donc. Non, mais c'était un winner ou un loser. Je sais plus. À mon avis, ça devait être un loser avec toi. Et est-ce que c'était une bonne chose de l'avoir en ami? Est-ce que ça faisait pas win-win ou... Disons que c'était très pratique parce que à l'époque c'était le seul à avoir une voiture. D'accord. Je vois pas le rapport avec Win. Par intérêt quoi. Voilà, coup. Par intérêt. Voilà. Ouais, à l'époque ça devait être pratique quand même. Donc ce soir nous allons parler mythes et légendes. Donc on va faire un petit tour du monde aussi, vu qu'à mon avis on n'a pas tous les mêmes choses par rapport à ça. Pas tous les mêmes légendes. Non, pas tous totalement. Les mêmes pas tous les mêmes mythes. Non. Alors nous on a la mythus acro-intérieure. Non, j'en sais rien. Vas-y, termine, vu que t'avais l'air de t'embarquer sur un truc. Mythus Acrotarius, le petit acarien à la con. Mais ça existe ou c'est que tu viens d'inventer le nom? Tout ce qui est latin, c'est inventé, voyons. D'accord. Non, je viens d'inventer, j'en sais rien non. Comment ça s'appelle en latin. Ça fait très bien, en fait. Hein. La Mythus Ecrasus. C'est sûr que c'est aussi du latin. Ça fait aussi. C'est comme il y a des insectes, ils portent bien le nom de Lady Gaga. Il y a une rose, je crois. Moi, je connaissais Ladybugs, mais bon, après... C'est pas pareil, Ladybugs. C'est pas pareil. Mais il y a un autre mythe qui peut être bien aussi. C'est si on a raté cette émission, on peut la retrouver. Eh oui, en podcast. Ça, c'est pas mythique. Vu que tu as bien commencé, Linda. Oui, bah moi je vais sur indestar.fr toujours. Hein. Je vais toujours pas sur les plateformes de podcast. Donc. Alors moi je vais vous proposer Podcast Daniel. Ah, c'est quoi ça? Vas-y. Je sais pas, je viens de l'inventer, je crois que je vais mettre ça en ligne demain. D'accord. D'accord. Bah, ça va être une spéciale Halloween, elle sera juste disponible quelques secondes pendant Halloween. D'accord. D'accord. Ouais, surprise. Donc, combien de secondes à peu près? Je sais pas, le temps qu'on découvre que j'ai piraté un serveur et puis 42. Voilà. Alors, tu sais que c'est demain quand même Halloween. Bon. Non, c'est dimanche en vrai. Oui, normalement c'est dimanche. Non, samedi à dimanche. Non, mais ce qu'il voulait dire c'est qu'on fête Halloween demain. Voilà, on fête demain. C'est la veille de la Toussaint, Et la Toussaint c'est dimanche. Bah non, c'est le premier. Bah le premier c'est pas le premier. Ah bah donc c'est de dimanche à lundi. C'est lundi, c'est ça. Ah bah alors c'est la nuit à dimanche. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé de le faire le samedi. Bah ouais, c'est commun. Ils fêtent souvent ça le week-end. Ouais, en même temps c'est peut-être plus simple. Parce que moi j'avais prévu de faire le tour des maisons avec mon fils. Ah tu vas faire le tour? Bien sûr, évidemment. Et maintenant que j'ai un fils, bah ouais, j'y vais comme ça. Je me demande bien pourquoi tu fais le tour. Par intérêt. Je peux venir aussi. Les grands enfants, ça marche pas très bien, j'avoue. Bon ouais. Déguisé à la rigueur. Même pas. Ah non, il y en a. Et après, si je viens déguisé. J'allais dire, si tu lui mets un petit costume de diable, ça passera. Non, en monstre hawaïen avec une chemise. Mais d'ailleurs, là, on est en train de parler d'Halloween, mais Halloween, c'est même pas. C'est même pas une. Comment dire, une fête de chez nous, en vrai. Non, c'est irlandais. À l'origine, c'est irlandais. C'est celte au sens large. Hein. Et on se l'est approprié. Ouais. Enfin, ouais. Et tout donc, le monde s'est approprié. Kevin, tu disais que demain, donc, on fêtait Halloween chez Indestar. Oui, par exemple. Il faut venir nous écouter. Oui. Ouais. Totalement. Bah voilà. Puis ceux qui sont pas loin, ils peuvent venir si j'ai compris. Non. Oui. Si. Oui. Ouais. Dans le oui. coin. Ah bah oui, c'est ouvert à tout le monde. Hein. On peut avoir. On est sur Amboise, en Indre-et-Loire. On a 80 places, c'est ça? Waouh! Il a grandi le studio! Non, il y en a 10 dedans et 70 dehors. Je crois que t'es un peu marseillais là pour exagérer. Non, il y en a 70 dehors. C'est méchant pour moi. Mais oui. Du coup, à part Halloween, de quoi on va parler ce soir? Alors ce soir, on va parler de mythes et légendes. Donc, merci. Les petites créatures, comme par exemple, on pourrait dire les vampires, tout ça. Les garous-garous. Tu sais ce que c'est un vampire? C'est un vampire? Non, c'est un mauvais vendeur. Parce qu'il est pire que. Ouais, parce qu'il vend pire que les autres. D'accord. Bon, je crois que pas la soirée jeune homme. Ça commence la soirée jeune homme pourrie. Hein. Ouais, c'est. C'est celui qui a mauvaise haleine qui souffle sur les autres. Un vampire. Moi, je vais vous parler des clubs des 27. Oui, le club des 27. Ça te parle, Kevin, ou pas? Non, pas du tout. Eh ben, écoute, ça sent la mort. T'écouteras. Alors, ouais, en fait, c'est d'actualité en vrai. Non, mais en fait, ils étaient 30 au début, mais il y en a déjà 30 morts. Non. Linda nous a dit qu'elle allait parler du club des 27, donc on va continuer ce petit tour en disant, Daniel, qu'est-ce que tu nous as prévu? Alors, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que des mythes et légendes, il y en a un peu partout. Alors moi, je vais vous emmener en Amérique du Sud, ouais. Au moment de, on va dire, de ce qu'on a appelé la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, parce que y en a qui l'ont habité avant. Et je vais vous parler de quelque chose que j'ai retrouvé qui s'appelle la légende de Quetzal. D'accord. Et pas le Quetzal. Non, c'est pas la même chose. toi Thierry, tu nous as préparé. Alors moi je vais préparer plein de questions, plein de quiz et surtout un à vous faire perdre la tête. Tu as piqué la place à Teddy alors? J'ai été rétrogradé. Il peut encore faire des quiz s'il veut, mais c'est vrai que j'en ai plein. Et cette fois-ci, et je pense que vous allez en prendre plein la tête à vous la décrocher. Ouais. Alors ça permettra à Teddy de jouer un peu aussi. Remarque, hein, on pourra faire le chevalier sans tête comme ça pour Halloween. Sleepy Hollow. Cavalier. Ouais, alors, c'est Cavalier. Oui. Alors, c'est un bon film à regarder à Halloween, je pense, Sleepy Hollow. Ouais, très sympa. Il y en a plusieurs d'ailleurs, j'en ai regardé ce week-end. C'est vrai ? T'as regardé quoi comme film Alors, d'Halloween j'ai pas regardé le Cavalier sans tête qu'on connaît tous, mais j'en ai regardé un de 2007, je crois, quelque chose comme ça. Un petit peu plus ancien, et je t'ai envoyé une scène, oui. Je crois, Kevin. Hein, oui, tu m'en as envoyé une. Oui. Où il y a un disque qui vole. C'était marrant. Ça découpe un petit gars qui essaye de s'enfuir. C'est gore. Alors, c'était drôle. Alors, moi, j'ai vu que le film avec la tête du cavalier, j'ai pas vu le reste du corps. Hein. Toi, Teddy, tu nous as préparé quoi alors, vu qu'on t'a volé ta petite place de quiz? J'ai préparé un bah sujet. Bah oui, Thierry s'est déguisé en Teddy pour Halloween. Hein. Donc tu gardes ce secret. Je laisse squeezer. Non, non, on va justement parler des monstres, on va dire les plus communs. On va parler de toi? Non. Alors lui, c'est un monstre qui bat tout. Je suis pas commun. Non, non. Il est hors norme. Voilà. Non, on va parler de fantômes, de vampires, de loups-garous. Monster Baguette. De quoi? Monster Baguette. Oula. Oh. Oula. Thierry, tu me connais bien. Fais gaffe, il va te mettre un pain. Hein. Elle est belle. Ah là, ça y est, c'est mais fait. Mais non, on va parler vampire, loup-garou. On va faire un petit tour. Qu'est-ce que c'est qu'un loup-garou? Qu'est-ce que c'est un vampire? Qu'est-ce que c'est un fantôme? Un loup-garou. Quelle est la différence entre les fantômes? Il y a plusieurs types de fantômes, ouais. Tiens, d'ailleurs, vous savez la différence entre les mythes et les légendes, d'ailleurs, parce que vous avez mis ça. Ah, ça m'intéresse. Titre, mais c'est intéressant. C'est une bonne idée. Vas-y, Père Thierry. Vas-y. Alors, raconte-nous une histoire. Moi, j'ai lu des choses, mais j'ai pas. C'était pas mon sujet, donc j'ai pas noté. Mais en fait, y en a un qui est basé quand même sur des faits qui seraient réels et l'autre plutôt inventé. La légende, d'accord. Oui, c'est basé. Il y a toujours une base réelle au départ. Alors après, la base réelle. Je suis une légende, n'est-ce pas ? Il y a un film, non, d'ailleurs. Oui. Au début, ça devait être moi la vedette, mais finalement, j'étais pas libre pendant le tournage. Du coup, ils ont pris Will Smith dépit. Voilà. C'est bien aussi, hein. C'est pas mal. Ça aurait été mieux avec moi. Ah, je suis pas sûr, mais bon, moi après. Si. Moi le aussi. Studio a l'air sceptique. Bah, comme toujours, dès que Daniel dit une connerie. Oui, c'est pas. C'était pas une connerie. Peu cher, le pauvre. Oh, peu cher. Elle l'a dit, peu cher, le pauvre. Mais elle a le droit parce que c'est. Moi, c'est chez normal. Moi. Mmh. Pour une fois que c'est pas Teddy qui le fait, ça change. Ouais. Moi aussi, je suis vraiment du sud, alors j'ai le droit. Mais d'ailleurs, je connais des chanteuses qui, elles aussi, reprennent des musiques de n'importe où d'ailleurs. Sans problème, et eux ils ont le droit parce que c'est normal. Ouais. Tu les connais pas? C'est LEJ. C'est LEJ. Ah oui, ouais, c'est LEJ, génial, tu connais ça. Pas le concept? Ledge, je connais dit, le d'ailleurs. Titre. Ledge. On dit pas LEJ, on dit Ledge. Oh, moi j'ai toujours dit LEJ. Bah t'as vu dans le sud ils disent Ledge. Non, je te jure, c'est vrai. Mais c'est connu en plus. LEJ, ouais, c'est super. C'est trois filles en fait. J'adore. Qui reprennent des musiques. Oui. Mais genre, tu vois, ils reprennent 30 secondes de la musique et ils les combinent ça en une seule. D'accord. Et ils font ça chaque année quasiment. Le patron il a dit Ledge. Alors Ledge. Oui, bah le patron il lèche ce qu'il veut. Ah bon, Le patron il écoute pas là. Les LEJ, eh ben non, moi ce sera les LEJ. Bon, voilà. Bah c'est comme on veut, mais n'empêche que bah, on va écouter. Ah bah oui, on va les écouter. On va écouter leur mix. Leur mix s'appelle Summer 2016. Vu que je suis désolé, j'ai oublié le nom en anglais. Merci Thierry. Peck Avenger, c'est comme dans Naruto. Onaji itami o shiranakereba tani o hontou ni wa rikai dekinai. Mais en différent. Nous sommes sur Indestar, où nous avons une émission là ce soir, Mythes et Légendes, où Thierry, tu nous as préparé un petit jeu à nous faire perdre la tête, je crois. Ouais, et puis je vais te parler de quelque chose que t'aimes pas, en fait. Vous y connaissez un serpent? Oh, non. Mais avant ça, bien sûr, vous pouvez jouer avec nous également en nous téléphonant au 09 70 407 306. Ouais, c'est ça. Pour tenter votre... chance au jeu de et Thierry. C'est gratuit en plus, la belle. Oui. Et on mangera les bonbons que vous gagnerez sur le plateau. Moi, je dis que Kevin, il a dit ça, tu vois, juste pour esquiver le sujet des serpents. Je croyais... Non, pas du tout, voyons. Je croyais qu'il allait dire, bon, Thierry, tu commences par prendre la porte avec ton questionnaire. Ça aurait pu aussi. Et donc, on parlait de quoi? Ah, il fait beau dehors, en fait. Ouais, il fait un peu nuit, hein, mais bon. Ouais, mais il fait beau. On parlait de serpents, mais en fait, c'est parce que je me disais que j'allais vous faire avaler des couleuvres. Comme d'hab. Génial. Quelle idée. Qu'est-ce que ça veut dire faire avaler des couleuvres? J'en sais rien, mais c'est une très mauvaise expression. Quand t'as faim et que t'as rien d'autre à manger. Non, c'est quand tu fais quand tu dis des conneries ouais, à quelqu'un. Les autres, les oui, le et, puis, que vous gobez quoi. Bah oui, ouais, c'est ça. Avec un gobe tout. Ça se gobe les couleuvres. Bah, apparemment, mais j'irai pas tester moi. Obliger quelqu'un à accepter l'inacceptable. Ça, bon, tout n'importe quoi qui n'existe pas ou même quelque chose qu'il déteste et finit par gober le truc quoi. C'est ça. C'est par exemple aussi les vendeurs qui passent chez les gens et qui leur vendent du vin alors qu'ils n'en consomment pas, vous voyez, des choses comme ça. Bon, ça me paraît gros, mais bon. Pourquoi mais pas. J'ai connu un cas comme ça, véridique, avec le vendeur qui vendait du vin et les gens n'en consommaient pas et n'avaient même pas de câble. Bah techniquement, même sans parler de vin, on peut parler des ophtalmos aussi. Il y a des ophtalmos, ils ont des fake lunettes, des lunettes fausses en fait, parce que sinon ça fait pas sérieux. Un vendeur de lunettes qui n'a pas de lunettes, il y a des gens, ils les prennent pas au sérieux et c'est compréhensible d'une certaine manière. C'est bizarre, quand même très con. Ouais. C'est l'effet de l'uniforme ou l'effet placebo aussi. Exactement. Qu'on place dans, quand on fait des tests de médicaments. Hein. Mais tu vois, il aurait pas les lunettes, il y a des gens, ils le croiraient pas forcément. Ouais, mais on bouffe de la couleuvre tout le temps en fait, c'est ça? Oh oui, je pense qu'on en bouffe tous un petit peu. Bah, je comprends pourquoi j'ai plus faim déjà ce soir. Hein. Et j'aimerais savoir si vous connaissez l'origine, d'où est-ce que ça peut venir? Ça vient d'un serpent mythologique en fait. D'où est-ce que ça pourrait venir cette expression avec la Adam couleuvre? Adam et Ève? Du basilic. Oui, tout à fait. Oh, tout à fait. Il y en a là-dedans. Ici le péché originel. Bah oui. Le serpent. Forcément. Donc, c'est un mensonge. C'est lui qui est le premier à faire croire à une connerie. Et donc on vient d'apprendre que le serpent d'Adam et Ève, c'était une couleuvre. Ah oui? Eh ben oui. Ah, je savais pas. Eh bah rappelle, comme ça, tu te coucheras moins bête. On se rappelle qu'Adam ne voulait pas croquer la pomme, mais la couleuvre l'a convaincu de le faire. Pourtant, il avait la dent pour croquer la pomme. Ah oui, tout à fait. Il y a pas laissé qu'une dent, d'ailleurs. Comme quoi, c'est toujours la faute des mâles. Allez, ça, c'était petit placement féministe. Et donc, c'est depuis le XVIIe siècle qu'il y a cette expression de la persuasion. Bah, ils ont mis le temps, parce que Adam... Ouais, depuis Adam et Ève, ça fait loin. Hein. Voilà. Ouais. Et donc, vous avez le droit d'y croire. Eh, confiance. Eh, confiance. Appelez ça. Je sais pas faire le serpent. La moralité, jamais croire à un serpent. Ouais, c'est un snake quoi, donc c'est un snake. Alors on va faire le tour un petit peu de créatures comme ça, mythologiques, légendaires, qui ont, pourquoi pas, un corps de serpent ou autre chose, mélangé à d'autres choses, donc on va voir si vous connaissez. Alors, mis à part les animateurs d'Indestar, quelles créatures légendaires? Mais vous n'êtes pas encore assez âgé, vous n'avez pas encore fait beaucoup d'Indestar pour être légendaire, mais ça viendra peut-être. Quelle créature légendaire est représentée avec un corps de serpent, des ailes de chauve-souris et des pattes de pourceau, autrement dit des pieds de cochon? Corps de serpent, ailes de chauve-souris et des pattes de Le dragon cochon de Wakfu. il a inventé encore là. J'ai marqué que ça pouvait pas être le réalisateur de l'émission qui peut mettre le feu à l'antenne en manipulant des boutons. Oh, c'est beau. Contrairement au dragon, la créature en question n'a pas de bras. Ah. Pas de bras, des pieds de cochon. Pas de bras, pas de... Chocolat. Il y en a qu'une qui... Et quant à la période d'Halloween, ne pas avoir de bras, c'est la fin du monde quand même. Je vois la mais créature. Mais les chocolats, c'est pas grave parce que c'est... Et pas je suis sûr prévu. De l'avoir déjà vu dans la pop culture, dans des mangas ou genre de trucs, mais je vois pas. Et pour les gens qui ont éventuellement lu des livres qu'on étudie à l'école, il est possible que... Parce qu'on étudie à l'école. On a lu des livres à l'école. Non, mais je suis comme Teddy, je vois la créature. Ça serait pas un démon? Alors moi, je vois ni la créature, ni... Kevin, je t'accompagne. C'est une chimère. Bienvenue au club. Alors, c'est pas la chimère, mais on va en parler tout à l'heure. C'est la guivre ou vouivre qu'on trouve dans les romans. Vouivre, c'est pas le nom dans le sud de la France? Une vouivre? En Lorraine, Franche-Comté, Jura. Pas le sud de la France, alors. Alors, c'est une vouivre à part, elle, par contre. Parce que vouivre, ça a aussi une définition, c'est aussi dans les dragons. Ça ressemble beaucoup aux dragons. Mais oui, c'est pas loin. En même temps que de serpent, dragon, c'est pas loin. Par contre, pied de cochon, ça, je connaissais ouais, pas. C'est spécial. Ouais, c'est un peu bizarre. À l'origine, en mythologie, notamment dans les régions que je viens de citer, c'est un serpent légendaire gardien de trésors fabuleux ou une jeune fille accompagnée de serpents doués de pouvoirs fantastiques. La guivre ou la vouivre. Et au jarret. Oui, au jarret de dragon cochon, de vouivre, très savoureux. Ouais, le jarret, tu fais du jambon. Toi, tu penses bouffe, toi. La cuisse de vouivre, c'est très... Ouais, t'as une bonne adresse alors à nous conseiller. Mais dis donc, la cuisse, on peut la faire en jambon, la cuisse de Wivre. La cuisse de Jupiter. Ouais. Alors, ça, je sais pas, parce qu'à mon avis, il faut une grosse gamelle pour cette cuisse-là. Hein. C'est une belle cuissette. Hein. C'est un gros cuisseau. Donc, la Wivre, c'est le titre d'un roman alors de Aimé. Est-ce que c'était Marcel Aimé ou je sais plus comment c'est le prénom du. Bah, tu si n'auras pas de soutien de notre part, je crois. Là, c'est... Si c'est Aimé, c'est Marcel, oui, je te confirme. Il me semble. 1943. Ok, l'imagination, c'est dans la tête que ça se passe. Oui, mais on connaît tous dans notre entourage des personnes qui semblent ne pas avoir toute leur tête. Oula. Et je ne parle bien entendu pas de celles qui ont commencé à perdre leurs cheveux. Il y a eu un petit regard vers Kevin. Oh là là, je me sens absolument pas visé. J'aurais pu me regarder, mais c'est un peu plus difficile. Ni de celles qui ont gardé quelques traces d'une malencontreuse chute du corps tout entier. Comment ça, c'est la même personne? Bon, ce n'est pas une légende. Allons, revenons à notre sujet. Pour ce qui est du personnage légendaire connu comme le cavalier sans tête, connaissez-vous son nom? Quel est le nom du cavalier sans tête? Parce qu'il a un nom. Blissinger. Non, je te balance un nom. Ce n'est pas une personne réelle qui fait de la radio et qui a donc survécu à ses accidents de la vie. On fera peut-être de lui notre légende. Quand il aura perdu la tête. Merci de me souhaiter du malheur. Edouard. Peut-être. Est-ce que, ouais. Non, ça va. J'ai bien envie de l'appeler Edouard. Eh ben, pourquoi pas. Il a une bonne tête à s'appeler Edouard. Jack. Edouard Romain d'Argent. Ouais, Jack. Moi j'avais ça en tête de suite. Jack et le Réco Magique. Ouais, par exemple. C'est pas un truc capitaine ou colonel machin. Non, mais j'avoue que je connaissais les cavaliers sans tête parce que je pense qu'on en parle souvent comme ça. Je connaissais pas du tout son nom. C'est Dullahan. Dullahan. Il a pas été gâté par ses parents celui-là. Et son cheval, il s'appelle comment? Ah, je ne sais pas. Ah, bah faut dire qu'il a la tête lui, donc on pauvre cheval. Pas. Je ne sais pas, mais lorsqu'on préparait l'émission, j'ai entendu, Spirit. Vous avez dit Sleepy Hollow, mais est-ce que vous savez ce que c'est par rapport à l'histoire? Je ne sais pas, je sais qu'il y a Johnny Depp dedans, c'est tout ce que je sais. Parce que ça a donné, ça a été le titre d'un film qui a repris donc la légende... Du Cavalier sans tête. Voilà, ouais. Mais ça ne s'appelle pas Cavalier sans tête, ça s'appelle Sleepy Hollow. Ah, c'est pas c'est Village Endormi, la traduction, non ouais, oui, c'est ça. Je l'ai étudié en anglais. Ah. Et ça est resté oui. le Val dormant, on dit. Mais okay. Hollow à la base c'est un trou, donc c'est un peu le trou perdu, le trou qui dort. Quoi, en fait. Hollow, ça voudrait pas dire fantôme aussi? Alors ghost? Non, hologramme. Dans mais hologramme, dans une autre langue que l'anglais. Je pense plutôt à Bleach par exemple, japonais, un manga. Oui, ils disent hollow, ça signifie des esprits frappeurs oui. Méchants. Donc, alors hollow, donc, sinon c'est un creux, c'est un vide. Hein, donc je pense par rapport à c'est un la creuse. Perdu. Donc hologramme, c'est Bleach, un fantôme un qui tape pas fort alors. Parlant de vide. Hologramme, c'est un fantôme qui tape pas fort. T'as le kilogramme et le hologramme. Ouais. T'as le holo, oui. Alors, le cavalier sans tête de son nom, Dullahan, est supposé être le fantôme d'un mercenaire essois décapité par un boulet de canon pendant la guerre d'indépendance des États-Unis. On raconte qu'il poursuit jusqu'à faire disparaître un jeune homme nommé Ichabod Crane, donc le personnage principal, si vous voulez, qu'on va retrouver dans le film. C'est un professeur qui s'est installé dans le Val dormant Sleepy Hollow à Greensburg, surnommé Tarrytown par les épouses des villages environnants à cause de l'habitude qu'ont les époux de traîner dans les tavernes. Ce sont des gens qui boivent et en fait ça leur donne des hallucinations. Donc ils voient toutes sortes de choses. Ah, on comprend le cavalier sans tête maintenant. Hein ouais. Voilà. Et Ichabod Crane, donc il mène une vie itinérante, il est logé et nourri par les fermiers qui habitent Tarrytown, il est attiré par les récits fantastiques de fantômes, de sorcières, de revenants, récits qui abondent à Tarrytown. Selon Washington Irving, un docteur allemand ou un chef amérindien aurait jeté un sort sur Sleepy Hollow, conduisant ses habitants à voir toutes sortes d'hallucinations. Donc il y a le sort qui est jeté, ça et doit eux, être drôle, quand ils consomment de l'alcool, etc. Mais ils le voient pas, c'est normal. J'ai une question à poser. Est-ce que quand on jette un sort, la personne doit rester dehors? Why? Parce que sort, sortir. Ah, ouais, c'est ça. Il y avait une blague encore. Oui. Pardon. Ok. Tu sors. C'est le moment de le dire. Est-ce que vous y voyez plus clair maintenant? J'en sais rien, ouais. J'ai perdu ma tête dès la première question. Alors, sinon, vous pouvez aller voir les nombreuses adaptations plus ou moins livres de ce récit fantastique, il y en a énormément. Par contre, je tiens à intervenir très sérieusement pour une fois. Oula. Vous noterez qu'il y a un Peak Avenger qui parle très bien l'anglais. Pour une fois, c'est quand même oui. Souligné. C'est intéressant. C'est rare. Quoi? Un Peak Avenger. Un Peak Avenger. À chaque fois. Ouais, bah oui, c'est pas Pikachu. Hein. Sinon, il y a des Peak Avengers. Il y en a à toutes les sauces. Oui. Mais oui. The Legend of Sleepy Hollow, c'est un court-métrage réalisé par Étienne Arnaud en 1912. Ça remonte assez loin. Oui. J'étais pas né. La légende de la vallée endormie. Voilà comment on pourrait appeler Sleepy Hollow. Section du long-métrage d'animation Le crapaud et le maître d'école. Donc, film américain des studios Disney sorti en 1949. Ah vache, c'est loin. Vous connaissez probablement le Tim Burton sorti en 1999. Référence. Ouais. Hollow. La légende de Sleepy Hollow. Il y a eu un regard Hollow. Dans le studio, il était magique à voir. Fallait le voir dès le premier coup. La légende de Sleepy Hollow, film canadien de Pierre Gang, sorti en 1999. Le Cavalier sans tête, 14e épisode de la saison 6 de Charmed. Ah. Vous connaissez la série oui, Charmed? Oui, évidemment. Diffusée avec 2004. Piper. Mmh. Ouais. J'adore Piper. Alors là, pour une fois, je ne connais pas là. Charmed en français. Bah c'est oui. Toi, il connaît. Ben oui. Ah, je suis désolé, Thierry. Tu dis ça, oui. Non, mais Thierry, tu parles trop bien anglais. Mais oui, mais il est super dur. On va moi. Pas chanter le générique, mais il est très connu, le générique. Oui, non, mais oui, là, je connais quand c'est pas dit en anglais. The Dark Rider, épisode de la série télévisée britannique Inspecteur Barnaby. Il y a aussi un épisode d'Inspecteur Barnaby, saison 15, diffusé en 2012. Je sais qu'il y en a un dans Shrek. Hein ? Il y a un cavalier sans tête dans Shrek. Il passe juste, hein, je crois. Oui, c'est un secondaire ou un tertiaire, mais il a une taverne. Il boit un coup. Alors ce qui est drôle, parce qu'il n'a pas de coup, mais il met dans son armure et il rote d'ailleurs. Du coup, il y a quelques petits jets qui ressortent. Oh, c'est dégueu. Ah, du Shrek. Et on a une série américaine, série télévisée américaine qui s'appelle Sleepy Hollow, adaptation de la nouvelle diffusée en 2013. Ça fait beaucoup de vallées endormies, tout ça. Hein. Ouais. Et puis on peut aller voir dans SOS Fantôme, série TV d'animation, l'épisode Le Cavalier sans tête, encore une fois. Il y en a pas mal. Qui s'appelle The Headless Motorcyclist. D'accord. Et non, il a fallu en décapiter du monde pour tourner tout ça. Hein. Ouais. Ça en fait. Certaines personnes n'ont pas toute leur tête et d'autres semblent être plusieurs à l'intérieur. C'est complexe. Mais dans les légendes, ça l'est encore davantage avec des créatures qui ont plusieurs têtes. L'hydre. Eh oui, l'hydre de Lerne, vous connaissez ça? Oui. Ah, de Lerne, je sais pas, mais l'hydre de Ulysse. D'ailleurs, oui. D'ailleurs je l'invite plus à boire un coup, hein, parce que c'est multiplié par trois. Ça coûte cher. Hein. Ouais, ça coûte cher. Hein. Monstres à plusieurs têtes, les hydres sont des créatures récurrentes dans la fantasy. Leur origine vient de la mythologie grecque et plus précisément de l'hydre de Lerne. Ah, bah c'est elle, du coup. Ouais. Fille de Typhon et Echidna, on lui attribue dans les anciens récits un corps de chien avec une centaine de têtes. Dans les textes plus récents, elle est décrite dotée d'un corps ça de dragon ça, avec hein, 5 ou 9 têtes, dont l'une d'elles immortelle est l'intelligence qui dirige tout son corps. C'est pas dans Harry Potter, il y en a un de ça? Alors, oui, c'est pas une hydre, mais oui. C'est un cerbère. Ouais, d'accord. Ouais. Les gueules de l'hydre dégagent un souffle empoisonné qui tue instantanément. Oh, ça me rappelle quelqu'un. Ça. Vérifiez votre haleine régulièrement. Quand on coupe une tête à l'hydre, en fait, il y en a deux autres qui repoussent à la place, donc ça la rend de plus en plus. Ça doit être pratique quand même. C'est chiant à tuer. Je sais pas si c'est pratique le terme. Et si vous connaissez Hercule, le mythe d'Hercule, les travaux d'Hercule, il a dû affronter dans son second travail l'hydre de Lerne. D'accord. Il y a des gens sans tête c'est, alors. Excuse-moi, l'hydre de Lerne, pas l'hydromel. Oui. Ouais. Oh non, parce que des fois que affronter l'hydromel, hein, quand t'as vidé la bouteille, c'est pas facile non c'est, plus. C'est hein. Quand tu regardes ton courrier que tu affrontes l'hydromel. L'hydromel. Mail. You've mail. Got mail. Il y a des gens sans tête, alors imaginez le fantasme du monstre à 100 têtes. Et en voici un autre qui s'appelle Ladon. Ladon est un dragon ayant 100 têtes. Il garde les pommes d'or des rats et ne laisse s'approcher de lui que les Hespérides. Les rats, ils ont des pommes d'or. Atlas, son père. Je le connaissais pas, celui-là. Ladon est immense et ses têtes crachent du poison. Ah. Sinon, on a quelques trios de têtes, c'est-à-dire des personnages à trois têtes. À trois têtes. Bah, le cerveau déjà. Le cerveau, celui qui garde les uns. La chimère ? La chimère aussi. La chimère, c'est un monstre à trois têtes. Une tête de lion à l'avant, une tête de chèvre au milieu et une tête de dragon en guise de mélange. Oh le mélange. Elle crache du feu et elle a des griffes acérées. Le celui, feu, c'est le mouton qui le crache. Celui qui la tua fut Bellérophon, chevauchant le légendaire Pégase. C'est pratique pour faire Pégase. Le méchoui. C'est ce que j'allais dire, oui. Pour faire le méchoui, c'est bien. Ouais. Et puis, donc Cerbère, mythologie grecque. Cerbère est le chien polycéphale gardant l'entrée des enfers. Il empêche les morts de s'échapper de l'antre d'Hadès et les vivants de venir récupérer certains morts. On peut pas rentrer, on peut pas sortir. Cerbère est notamment connu pour avoir été capturé par Hercule, donc Héraclès, lors de ses 12 travaux. Dans la plupart des œuvres, il est représenté avec trois têtes. Selon certains mythes, les trois têtes voient et représentent respectivement le passé, le présent et le futur. Mais finalement, je peux faire un rapprochement. Tu sais, c'est comme les dessins animés. Quand il dessine une main, il n'y a que trois doigts. Alors c'est le chiffre 3, c'est plus facile, c'est pour ça. Sinon, il aurait 4, 5 têtes. Tiens, le troisième. de son nom. Et sinon, on pourrait dire que ça représente la naissance, la jeunesse et la vieillesse aussi. Certes. Qui a dit que Cerbère était bien représenté par l'équipe multigénérationnelle d'Indestar, version paradis, bien sûr. Oh, c'est mignon. Voilà, j'ai fini. Il vous laisse faire bien voir pour la fin. Wow, c'est réussi. À tout à l'heure, je reviendrai. Je reviendrai à Indestar. C'est pas I will be back. I will be back. Voilà, c'est ça. I'll be back. Mais ouais, de Terminator. Tu sais ce qu'on peut faire en voyant ces créatures? On peut courir. Run alors. Oh, oui. C'est beau. Run, on baby, va... run. Ouais. On va écouter Kraskin, The Runner sur Indestar. PK Avenger sur Indestar. Ah mais en fait, je suis pas un robot. Les super-héros d'Indestar, c'est les PK Avengers. Jusqu'à très tard ce soir. Nous sommes sur Indestar pour l'émission Mythes et Légendes, pour PK Avenger 2.0, où Thierry vient de nous faire un très bon jeu où on a perdu tous la tête, je pense. Ouais, quelques histoires. C'est toi qui as pris cher. Hein. Ouais, toi le dragon, il va se calmer aussi. Ça va, le dragon avec des pieds de cochon, ça va. C'est space, hein, quand même. Hein. C'est space, ouais. Mais ça passe. Et t'as pas de bras, donc tu peux pas toucher à tes boutons. C'est vrai. Oui. Tu dois être triste. Boutons. C'est vrai. Ouais, j'ai ma queue. Après ce. De serpent. De serpent. Oh, rattrapage là. Ah ouais. Ah, ça sent bien les pieds de cochon. Après ce petit jeu où nous on a parlé de plein de monstres, tu vas nous parler de d'autres monstres, je crois, Teddy. Effectivement, je vais vous parler de monstres assez. Classique, je dirais, on en voit. Il est pas original. 50%, oui, c'est pas original. Tu vas parler de toi ? Non. Je suis unique. Rappelons-le. Bah, dis donc, quelle catastrophe. Des monstres qu'on voit tout le temps à Halloween, hein, clairement, ou dans la pop culture, c'est des monstres très communs. Et on va commencer par le premier, j'ai nommé le vampire. Dracula, viens à nous. T'as dit quoi ? Ils sont nuls. Ils sont nuls ? Comment ça, ils sont nuls ? Ah non, j'adore, j'affectionne. Mais non, c'est pour faire un petit vampire. Ah, il en faut un entier. Voilà, il en faut un, donc je me sacrifie. Pourtant, t'es tout blanc. Toi, tu serais le premier suspect, tu vois. C'est vrai que t'as un faciès, ça te ferait bien. Ça le serait bien. Ouais. Parce que, on va pas se mentir, les vampires, ils ont quand même. Alors, j'ai l'impression que ça se retourne contre moi, là, l'anti-vampire, quand même. Totalement. Il est anti-vampire. Ouais, en fait. Ouais. Parce qu'il est vampire, il est anti-vampire. C'est ça. C'est logique. Moi, ce que j'aime bien, c'est les films où c'est des histoires d'amour avec les vampires. Ah ouais. Genre Twilight. Non, je déconne, Twilight. Oh, allez. Ça ou autre chose, mais c'est vrai qu'ils s'interrogent, hein, sur s'ils font bien les choses, sur le bien, le mal, etc. C'est vrai que les vampires, ils ont plein de questions dans les histoires d'amour. Il y a tellement d'histoires d'amour sur les vampires. Mais j'adore, moi, ça fait rêver. La reine des damnés, avec les stats, le vampire. Qu'est-ce qu'il est magnifique, ce vampire. Et il y a une chanteuse aussi dedans, mais je n'ai plus son nom. Une chanteuse noire américaine. Non, c'est pas le jeu, Thierry, hein, on devine pas. Hein. D'accord, Whitney Houston. Non, du tout. Ok. C'est une qui fait du R&B là, mais je Beyoncé. Sais. Non, mais ça doit pas être bien loin. Mais enfin bref, c'est un super film d'amour. Ah bon. Les vampires, déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est un vampire techniquement ? C'est un monsieur qui a des crocs et qui mange le sang. Non. Alors il ne mange pas. Mais... Très important. Il a une cape souvent. Il a une cape. Il a des crocs. Il est blanc. Il est souvent très blanc. Zorro a une cape. Zorro a une cape, mais il n'est pas un vampire parce qu'il est pas blanc. Mais il a pas les crocs. Il a pas les crocs. Il dort dans un cercueil. Il dort souvent dans un cercueil. Ils peuvent se transformer en chauve-souris. Ils peuvent, pour certains, se transformer en chauve-souris. Ils ne peuvent pas être au soleil. Ils ont des points faibles, effectivement. Ils ont peur de l'ail. Ils aiment pas trop l'ail. Les croix. C'est une question de goût, ça. Ah, les croix aussi, je crois. La croix. Ouais, les croix en bois, apparemment, ils sont religieux, les vampires. Hein. Ils n'aiment pas la religion catéchiste. Donc oui, la croix, le soleil, un autre peut-être ? Même deux ? Les pieux en bois, ils n'aiment pas trop ça dans le cœur. Mais bon, je sais pas si c'est vraiment un point faible de vampire, parce que tout le monde n'aime pas ça. En vrai, même nous. Hein. Ouais, clairement. T'avais dit qu'avec Thierry qu'on avait à répondre des trucs, ça continue. Un quizman, il est là. Hein. Ouais, c'est pas vrai. Mais il peut pas s'en empêcher. Ah, d'accord. Ah, c'est vrai, Il nous teste en fait. Un petit dernier pour la route. Je sais pas, ils ont des performances sexuelles différentes des humains. Alors oui, non, mais, oui. Mais ça c'est parce que t'as trop regardé de films, le fantasme du vampire. Mais oui, techniquement oui, parce qu'il y a certains vampires, notamment dans Twilight, qui peuvent se déplacer très rapidement. C'est quoi le rapport avec les performances sexuelles, du coup ? Se Devine. Déplacer rapidement. Ah oui, d'accord, ok. Fais le rapprochement. Se déplacer rapidement, justement. Voilà. Du coup, ça dure 2 secondes. Est-ce qu'ils ont pas du mal parce qu'ils doivent avoir le sang-froid, non ? Exactement, il y a beaucoup. Il y a tellement de. Oh là J'ai là. Vu des docs là là-dessus entiers. Comme quoi, ça peut pas bander un vampire, mais oui. D'accord. C'est con. Mais bon, c'est pas grave. Ça il mâche aux pieds, j'en sais rien. Ça il reste de marbre. Exactement. Non, mais il y a un liquide aussi qui craigne par-dessus tout. Ah, un liquide. Non, pas le vin. L'eau bénite. Ah oui, c'est vrai, si tu leur jettes dessus. Oui. Ouais. Alors attention, alors pour nous, l'équivalent pour nous humains de base, c'est l'eau cristalline. La cristalline. Je croyais que t'allais dire l'acide, tu vois, genre. Non, oui, parce que l'eau bénite, en fait, c'est juste après, tu as fait je te bénis. Hein, ouais. C'est de l'eau. Bah ouais. J'ai jamais vu pire que arnaque que ça, mais bon. Voilà. c'est donc il oui. y a une des stars comme Arnaque aussi. Bon, ouais, mais ça c'est connu mondialement. C'est parce que tu viens visiter puis en fait tu restes. Ouais, ça c'est vrai. Donc ils ont la fâcheuse particularité à mordre les gens dans le cou, principalement. Apparemment, c'est la zone dans la plus tendre. Bah, faut dire dans c'est la carotide. C'est plus facile parce que mordre la cuisse, elle va trouver une bonne veine là. Ouais, ça dépend si t'as de la cuisse quoi. Si t'as du cuisseau, tu peux y aller. Oui, l'artère fémorale, je te dis pas, c'est plus facile dans le cou. Il y a un autre truc qui est spécial avec les vampires, c'est qu'ils arrivent à transformer des humains en vampires. Exact. Alors ça dépend lesquels pour le coup. Bah non, ça dépend. Il y a des humains, tu les mords, ils se transforment pas, et d'autres, oui. Ça va dépendre de certaines. Enfin, ça va dépendre des légendes, ça va dépendre des versions, ça va dépendre des filles. Voilà. Et dans le folklore, oui, effectivement, les vampires se reproduisent, entre guillemets, comme ça. En mordant, et pouf, ça fait un vampire. Puis il y a un chef, il y a une tribu, il y a un machin, il y a plein de choses. Il y a tout un aspect. Hiérarchique. Voilà. Ah, moi je suis le plus vieux, voilà, donc je t'ai créé toi, donc toi tu vas créer d'autres, ils seront au-dessus de toi, et voilà, et c'est ainsi de suite. Mais dis donc, tu viens de dire que pour se reproduire, fallait qu'ils mordent les vampires qui se mordent. Oui. Enfin, ils transforment un humain. Tu fais pas ça toi? Bah, tu mords pas les gens toi? Je dois avoir beaucoup d'enfants moi depuis le temps. Hein. Ah, parce que tu mords les gens toi? Ah bah oui, non mais. Regarde les chiens, ils mordent beaucoup. Non. Mauvais exemple. Mais bon, ça c'est pour les vampires. Il y et a du peut-être coup... des chiens vampires. Il y a peut-être des chiens vampires. Ah, Linda, toi, tu nous as dit ton vampire préféré. Ouais, c'est Lestat, le vampire, mais j'en ai plein. J'ai une série, c'est True Blood aussi, vous devez peut-être... Oh oui, oh. C'est avec Bill, oh. Puis il y a une sacrée histoire d'amour. Et puis c'est du moins de 16, ça, c'est pas pour tout le monde. Non, c'est pas sexuel ni rien, c'est... C'est du moins de 16, parce que c'est gore. What? J'ai pas dit que c'est... J'ai adoré, moi. J'ai pas dit que c'est sexuel. Déjà, le générique, il est bien, déjà. Oui, et c'est vrai que c'est sympa, True Blood. Ouais, j'adore. Quelqu'un d'autre a des vampires préférés? Oh, moi je penserais à la littérature Dracula, Frankenstein. Dracula, ah, oui. Le grand classique. Et Nosferatu. Oui. Voilà. Daniel, peut-être un petit vampire? Non, je suis pas très calé dans ce monde-là. Moi je connaissais surtout Dracula. Mais... Dracula, mais c'est très bien. Monsieur Burns dans un épisode de Morceau. Effectivement, il est vampire dans un épisode Monsieur des Simpsons. Burn, oui. C'est vrai qu'en français, c'est pas très bien, classe. Ouais. Les Simpsons, ça dépend. Hein. Voilà. Donc oui, ça c'était pour les vampires. Après, on va passer à. Souvent le monstre qui est opposé au vampire. Qu'est-ce qui est souvent opposé au vampire? Le garou. Le loup-garou. Ah ouais, ouais. Je crois que c'était le curé avec sa croix, moi. Alors, c'est moi un monstre, lui. Lui, non, il y en a presque des humains. Le chanteur garou. Oui, effectivement, garou. Dans des cathédrales, non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui, ça. Non, mais il y en a un. Je crois que t'as raté là. On sait pas, on se pose la question. Non, mais le loup-garou, donc créature de la nuit, créature. Nyctalope. Non, définition de nyctalope. Je vois dans la nuit. D'accord, voilà. Merci. Créature de la nuit. Définition de l'autre expression. Ça se trouve, je l'ai mal dit en fait. Je crois. Mais je oui, crois, c'est, ouais. Effectivement, c'est très. Pourquoi t'as pas un arrêt à nyctalope? Parce que je voulais bien le dire. D'accord. Oh, t'as échoué. Bon. Donc, oui, le loup-garou, le principe d'un loup-garou, c'est tout simplement un humain qui, selon la période de la nuit, souvent la pleine lune, clairement, voilà. Va se transformer en loup-garou, donc une créature mi-homme, mi-loup. Donc vous imaginez un loup sur deux pattes, clairement. C'est fun, qui se balade. Moi je trouve, hein, j'adore. Hein. C'est fun. Oui, c'est poilu quoi. Oui. Un loup en deux chevaux. Alors c'est moins humain que le vampire quand même. Quand ça se transforme. C'est velu, ça a des griffes. Oui, ça velu, ça a des griffes. Ça court sur deux pattes, ouais. Pour ça le court coup. Sur deux pattes, c'est rapide. Ça a la particularité, enfin le point faible en tout cas, d'être affecté par l'argent. Ça a une attirance. Ah, ça oui. Craint l'argent. Il y a beaucoup de chasseurs argent. De loups-garous dans attends, la l'argent, culture. Le métal ou le fric? L'argent, le métal. Quand on n'en a pas, on craint. Après, l'argent peut tout acheter. Donc, ça. Effectivement, tu peux peut-être acheter un loup-garou avec de l'argent. Mais... Quand tu n'en as pas, tu crains ton banquier. Après, ça dépend des. C'est peut-être lui, le loup-garou, finalement. Peut-être. Ça dépend des séries, des films, enfin des croyances. Et par exemple, dans Harry Potter, le loup-garou, tu ne pourras pas l'acheter avec de l'argent parce qu'il ne reconnaît même pas son meilleur ami. Il y a un loup-garou, il s'appelle Remulus Lupin, je crois. Enfin, c'est un prof à Poudlard. Et ouais, il se bat contre son meilleur ami qui, lui, est juste un animagus. Il se transforme en chien, lui. Voilà, lui, c'est un chien contre un loup-garou. Le combat n'est pas très équitable, mais. Je crois que c'est la loose quand même. C'est la loose, ouais, clairement. Il se fait un peu massacre. Par mais contre, avec il perd la tête dire... pour celui-là. Oui, avec ce que tu viens de dire, il y a quelque chose qui me rassure. Je suis pas un loup-garou. Ah ouais, t'as pas de poils? Bah, je suis pas velu, oui, alors. C'est donc, pas faux. C'est vrai que c'est assez important pour un loup-garou. C'est vrai, t'es pas trop. T'es pas velu, tu es venu. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre, d'après vous, comme particularité, les loups-garous? Ils ont ils une autre petite particularité. Ils sont en clan. Comme ils sont en clan comme pour les la loups. pour certains. Alors, le loup, on lui prête souvent deux images. Parce que c'est vrai que les loups de base, les loups normaux, hein, classiques, ils vivent en meute. Ouais. Mais on parle souvent aussi de loups solitaires. Ouais, ouais. Y en a qui sont. Donc ça va dépendre des croyances, ça va dépendre de la pop culture. Mais souvent, oui, ils sont en meute, ouais, clairement. Non, mais ils chantent c'est aussi, les loups. Ils ont une autre particularité, parce que ça, c'est pas vraiment une particularité. Ils chantent Oui, ils hurlent à la lune. Non, mais je vais juste te chanter quelques paroles d'une vieille chanson. Attention, faites gaffe à vos oreilles. Je suis le loup-garou, et toi qui donc es-tu? C'est qui, du Carlos. Coup ah d'accord, je suis merci. Chanteur. Ah, je connaissais pas. Non, ils ont la faculté, par exemple, de se régénérer. Ils sont. Ah, s'ils sont malades ou quoi? Ouais. Non, mais c'est immortel. Hein. Tu peux mais leur. C'est couper, toi, ça, en fait. T'as un loup-garou, en fait, toi. C'est lui. Je suis pas poilu. Ah, merde, c'est vrai. Et t'as pas de griffes. J'ai pas. Oh, ouais, non. Ah non, je suis un manque de griffes. Mais dis donc, c'est un peu la suite d'Highlander de la semaine dernière. Alors, c'est les peut-être immortels. Un peu. Alors non, parce que le, tu peux leur couper la tête. Normalement, ça passe aussi. Hein. Sans ah, problème. Ah, d'accord. Pour les tuer, effectivement, souvent les chasseurs de loups-garous, ils utilisent les balles en argent. Ah, bah, c'est oui, souvent c'est vrai. Un trait classique. Ouais. Voilà. Donc ils sont réputés assez immortels, un peu comme les vampires d'ailleurs, c'est on n'a pas parlé. C'est ce que j'allais dire, il y a un lien aussi, oui. Oui. Ouais. Alors les vampires, par contre, eux, s'ils s'abreuvent pas de sang régulièrement, ils peuvent mourir aussi pour certains. Ah ouais. À propos de couper la tête, c'est très difficile avec le cavalier sans tête. Hein. C'est vrai qu'il est très immunisé contre les coupements de tête. Voilà. Mais bon, le loup-garou, très classe, enfin, très sauvage comme un monstre au final. Tu sais que moi aussi, si je m'abreuve pas, je finis par mourir. Hein. C'est comme beaucoup d'humains. C'est vrai. Je crois que c'est même comme tout le monde. Et oui, et en plus, il boit du vin de lune. Donc, Peut-être que le loup-garou aussi. Le vin de lune. On t'expliquera. Ouais. D'accord. Le loup-garou, je pense que vous en connaissez tous au moins un, peut-être. Kevin. Daniel au hasard. Kevin. Non, pas Daniel. Ah, non. Il y a des séries connues, Teen Wolf. Oui, ouais. Teen Wolf, oui, très. Ouais. Je connais bien Teen Wolf aussi. Et dans les régions comme la bête du Gévaudan ou des choses comme ça. La bête du Gévaudan, ouais, ça serait. Il n'y a pas dans un dessin animé, on voit un truc comme ça. Oh, bah il y en a plein. Oui, mais je sais plus. Ou t'en as un qui va exprès dans un manoir pour essayer de chasser un loup-garou. C'est dans Pokémon. Non. Non, mais je sais pas. T'en as un qui est comme ça. Répandu. Je peux pas te dire. Mais il y a beaucoup de choses qui sont tournées autour de ça, quoi. Bien sûr. Moi, j'ai des séries quand j'étais gamine, genre Le loup-garou du campus. C'était une série un peu drôle. Mais il y avait un loup-garou dedans, tu vois. C'est vrai ? Le jeune, c'était un étudiant, mais il était loup-garou la nuit, quoi. Voilà. Moi, ce que je retiendrai des loup-garous, surtout, ça va être dans Skyrim, principalement, un jeu. Oh, vous connaissez peut-être pas tous. Mais il y avait des loup-garous. Il y avait même un clan guerrier de loup-garous. Et il y avait même particularité dans Skyrim. Il y avait pas que des loup-garous, il y avait aussi des humains. Alors, je sais, des ours-garous. Des ours-garous. Des humains qui se transformaient en ours. Ah, d'accord. Si, j'en connais un, hein, il est chanteur, hein, garou. Oui, c'est pas faux. Les gens qui sortent pas trop de chez eux, c'est des ours déjà. Alors. Je crois que son vrai prénom, c'est Jean-Loup. C'est Jean-Loup Garou. Je crois pas que ça soit son nom. Je crois que t'es parti loin là. Du coup, non, par contre, il y a une fille. Loup-garou. Non. Non, c'est bon, ça arrête. Dernier petit monstre, si je vous fais bouh. Fantôme. J'ai peur. Ouais, fantôme. Scooby-Doo. Effectivement, dans Fantôme Samy. J'ai peur. Alors, c'est souvent. Il y a souvent pas de fantômes dans Scooby-Doo, par contre. Non. C'est souvent. C'est des humains qui sont déguisés. En voilà, vrai, ouais. C'est souvent ça. J'adorais d'ailleurs. Le fantôme, il y a plusieurs fantômes. Moi, j'ai Ghost, un vieux film de 1990. Oui. Avec Ghost, un homme qui décède et en fait, il revient voir sa femme. D'esprit. Ouais, c'est ça. C'est avec triste, hein. Whoopi ouais. Goldberg. Ça me fait penser aussi à la série Ghost Whisperer. Ouais, dis-moi. Ghost Whisperer. Peureur, si je vais y arriver. Ça me parle, ça, c'est une série. Oui, c'est une série où une fille voit les esprits. C'est aussi une forme de fantôme. C'est la seule à les voir. Les autres humains, nous, on n'a pas la particularité de voir les fantômes de base pour les fantômes. Par contre, eux, ils peuvent agir pour certains avec notre monde. Tu vois, ils peuvent faire déplacer ma souris comme ça. Là, hop. Alors vous le voyez pas, mais bon, moi, je l'ai bougé. C'est un fantôme. Ce qui est bien, c'est qu'il m'emmerde après en la bougeant. Et il y a d'autres choses qui bougent toutes seules comme ça chez toi. Tu veux pas le savoir. Pour revenir au film Ghost, c'est Patrick Swayze qui a fait Dirty Dancing qui joue le fantôme. Oui. Et c'est Whoopi Goldberg qui, en faisant de la poterie, en fait, fait apparaître le fantôme. C'est un avec film culte quand même. Très émouvant. Wow, c'est fort. Avec de la poterie, fallait y aller. Donc oui, il y a différentes sortes de fantômes, hein, ceux qui peuvent interagir, ceux qui sont méchants notamment. Les esprits frappeurs, les esprits vengeurs, les esprits maléfiques, ils ont des remords, ils ont envie de faire des conneries. J'ai un film, si tu veux, c'est Les Autres avec Nicole Kidman, pareil. Un très beau film aussi. Ouais. Oui, c'est vrai. Donc, et c'est avec des âmes un petit peu. Voilà, dans une perturbée. Maison un peu. Voilà. Après, t'as on va dire les bons. T'as les bons et les mauvais fantômes. T'as les bons fantômes, c'est quoi des bons fantômes ? Les bons fantômes, c'est des esprits pas trop méchants, ils sont là, ils sont perdus. Casper, voilà. Vous connaissez le dessin animé Casper ? Oui, d'accord, Casper, c'est mignon, le bon ça. Fantôme. Bah oui, voilà. Ça, c'est un gentil fantôme, ça, on aime mais bien ce fantôme. Pas confondre avec Casse-Couille. Hein. Non. Mais très pratique pour garder la maison en absence. Donc oui, t'as aussi d'autres fantômes avec une autre appellation. Ah. Type contrôlé, la Banshee. Une appellation contrôlée. Qu'est-ce que contrôlée c'est que ça? La Banshee, ça va être un fantôme, mais déjà d'appellation sans doute japonaise, hein, je dirais. Oui, ça sonne bien japonais ouais, quand ouais, même. Ouais. Peut-être. Possiblement. Chinois, tout ce que mais... je comprends pas, c'est chinois. Parce que... bon, d'accord. Banshee, ça peut faire aussi espagnol, latino un peu, hein. Non. Non. Pas comment ça. Et du coup, ça se maternalise ou comment? Italien, comme les machistes. Alors une Banshee, c'est un monstre qui a la particularité de crier. D'être très gueulard. Hein, d'accord. Ça fait peur aux gens souvent. Juste en criant. Okay. Tu le vois même pas, mais d'accord. T'as peur direct. J'ai un autre truc, moi, dans le même délire, dans le même univers, c'est les yokai. Je sais pas si tu connais. Les yokai, effectivement. Alors, ça, c'est les esprits malicieux japonais. Oui. Ouais. Pour le coup. C'est pas forcément méchant, mais ils sont pas forcément gentil super sympas aussi. Non plus. Voilà. Voilà. Ouais. C'est un peu terrible. C'est pas drôle, c'est trop gentil en même bien temps. Bien sûr. Mais c'est des esprits. Ouais. Pas très sympa. Ils sont malveillants envers les humains. On peut faire copain-copain ou pas? Ah, ça va dépendre desquels. Peut-être les spectres à la rigueur. Les spectres aussi, c'est une sorte de fantôme. Les spectres, ils ont la particularité d'être souvent vus par tout le monde. On peut tous les voir, mais on... Enfin, ça dépend où. Hein. On n'en croise pas à chaque coin de rue, encore heureux. Mais bon, tout le monde peut les voir. Nous, on les croise pas, mais peut-être qu'eux nous croisent. Peut-être qu'eux nous croisent. Parce que si on les voit pas, ils nous voient peut-être. Mais du coup, c'est un fantôme. Du coup, on parle de fantômes. Est-ce que quelqu'un a déjà eu affaire à ce genre de choses? Ah oui, ça peut être intéressant. Quelqu'un a déjà vu les fantômes? Non, visiblement bah, non. À part après des soirées trop arrosées. Non ah oui, mais non, ça compte pas. Ça, moi, les je vois des roses, spectres ça va, des fois. Hein, quoi? Je vois des spectres des fois. C'est-à-dire? Bah des spectres de lumière. Ah d'accord, oui, ok. Dans le ciel. Non, la lumière qui se décompose, on dit c'est son spectre. Bah non, voilà. Non, c'est le spectre de lumière que tu vois. Donc personne n'a eu de mes aventures finalement, non, si je comprends. Moi, je pourrais dire que quand j'étais enfant, on avait habité une vieille maison où le volet en bois qu'on fermait qui descendait comme un store. En fait, il y avait des jours. Ah et, ouais. Et donc la lumière qui passait, ça dessinait diverses choses. Et, ah, ça te rassurait et pas quoi. Je me demandais si c'était la lumière ou si c'était des fantômes qui apparaissaient. Il y a eu souvent des cas de vidéos, vous avez sans doute tous vu des vidéos de gens qui ont cru voir des fantômes, des apparitions, ce genre de trucs. C'est des montages, non, en vrai, non. Il y a beaucoup de montages, on va pas se mentir, comme beaucoup de créatures, beaucoup de montages. La plupart des créatures comme ça. Non, la télé, c'est du vrai. D'ailleurs, mais il y a peut-être des choses vraies quand même. Mais comment démêler le vrai du faux? Tu m'en as parlé avant l'émission, Kevin, hein. Dans un film, ils envoient un vrai. Ah oui, dans Fantomas contre Scotland Yard, ils envoient un vrai fantôme. Je sais pas si c'est un vrai fantôme, ton vrai gars. Même si le fantôme se pète la gueule sur une marche, mais... Donc ça devient drôle, finalement. Ouais, c'est drôle. C'était pas un fantôme méchant, celui-là. Non, c'était un gentil. C'est pas faux, mais bon. Oui, les fantômes, on en voit beaucoup en pop culture aussi. Donc, dans quoi t'en aurais vu, Thierry, toi? Lequel t'a marqué le plus, à part Casper? Ou peut-être Casper? En fait, j'étais en train de chercher quelque chose parce que je me rappelle une parodie justement sur les fantômes. Ah, c'est une parodie de Dracula. Dracula, mort et heureux de l'être. Oh putain, j'ai retrouvé. et en fait, on a le comte Dracula qui descend les marches à un moment et en fait, son ombre se casse la gueule. D'accord. C'est très décalé. C'est sympa. Il lui arrive plein de gaffes. Kevin, un fantôme? Bleach. Bleach, évidemment, les holos qui sont des les humains ne les voient pas. Mais même sans vouloir aller chercher dans... Au tout début, t'as Ichigo qui a le pouvoir de voir les amérantes aussi. Oui, parce c'est que... des mangas pensais... tout ça, oui. Ça oui, Bleach c'est un manga et il y a deux types d'esprits, on va dire deux types de fantômes. Il y a les holos, c'est les esprits les qui ont mal tourné. On d'accord. va dire c'est ceux qui n'ont pas pu rejoindre le paradis et d'accord. qui vont... Voilà. Pas forcément en enfer, mais se venger en gros quoi. Un peu. C'est ça, ils en ont gros, ils sont obligés un petit goût amer. D'accord. Et t'as les esprits qui sont pas encore à ce stade, qui sont encore esprit. On va dire en forme humaine, mais en fantôme. Voilà. Zombie quoi presque. Oui. D'accord. Donc voilà. Non, pas vraiment. Pas non plus. Plus fantôme. Parce qu'on les voit pas. Ils sont en transition. Bah. D'accord. Les humains normaux ça, ne ouais. les voient pas. Entre le monde humain et le paradis. Daniel, un fantôme? Oui, alors j'étais en train de penser à celui par exemple que l'on voit avec le film de Ghostbuster. Je suis en train de chercher le nom d'ailleurs. Je crois que t'as raté ton coup, Teddy. Le fantôme du Louvre qui a été repris il y a quelques années avec Sophie Marceau qui joue. Il y a un fantôme dans le Louvre. Ouais. Apparemment. Bah, c'est pas moi. Quelque chose, Thierry. Je suis en train de penser au fantôme de l'opéra, ce qui a peut-être rien à voir, mais parce qu'il y en a eu beaucoup de fantômes. Et vous de connaissez l'opéra. Le fantôme d'Innestar, parce que si on en est là, on peut faire le tour de. Non. Ah, moi je le connais. Il a souvent la particularité de balancer des musiques sans qu'on lui demande. Ah, oui. Ouais. Et donc, là, je pense qu'il va balancer Dua Lipa avec Ava Max, Physical Storm. Tu c'est crois ça? Ouais, je moi, pense. Je sais pas, je suis sûr même. Moi, ouais, je suis pas sûr. Je suis sûr aussi. Allez, on part à la chasse aux fantômes. Allez, on va l'écouter sur Indestar. Allez, petit fantôme, vas-y, manifeste-toi. Peck Avenger, c'est comme dans la cité de la peur. Vous voulez un whisky ? Ou juste un doigt ? Vous voulez pas un whisky d'abord ? Mais en différent. Nous sommes sur Indestar pour l'émission Peck Avenger 2.0, où ce soir nous parlons de mythes et légendes, où on a déjà pas mal parlé avec quelques monstres, où Thierry nous a parlé notamment du cavalier sans tête. C'est parti des monstres. Oui. Oui, par on exemple. On est tous des monstres. Oui. On des petits monstres. On met les 5 doigts de la main, mais pas des monstres. Oui. Mais là, on va faire un petit voyage, vu qu'après les cavaliers sans tête, les fantômes, les loups-garous, je vous emmène au Japon. Ah, super. Oui. Un pays plein de mythes, on va dire. Oui. Et... comme un Asai. J'ai les tri. Ça, c'est pas la même. Oui. Et on va commencer par les Shinigami. Ah, qu'est-ce que c'est que ces choses-là ? Les Shinigami qui veulent dire en japonais les dieux de la mort. D'accord. Et... ah bah je croyais que c'était une espèce de mythe japonaise. C'est une mythe japonaise. Ouais, c'est ça. Et c'est des personnifications de la mort, donc ce qui équivaut à nous, notre faucheuse. D'accord. Donc c'est quelqu'un qui vient te chercher quand tu vas mourir. C'est ça. C'est ça, mais d'accord, en un rôle plus... nous, la faucheuse, on la voit souvent comme... enfin... neutre, oui, si, neutre. Bah, elle fait son boulot, quoi. Elle vient chercher, oui, quelqu'un, voilà, qui meurt. Ça. Alors qu'eux, on peut les voir plus bienveillants quand même. Ouais. Eux, donc c'est cool en fait. C'est... elle vient boire un coup, oh, avec cool, toi. On va dire, il y en a, oui. Ouais. Il y en a d'autres un peu je moins. Crois, ouais, là... on t'envoie un gentil si t'es bon, et on t'envoie un méchant si t'es de merde. Ou... ça peut être un peu ça, ouais. Ça d'accord, peut être ça, oui. Je suis la faucheuse. Parce que le dieu de la mort, les dieux de la mort, si j'ai bien compris, enfin si je me rappelle bien, dans le folklore japonais, ils choisissent. Enfin, ils choisissent. C'est à eux de voir si ce que t'as fait c'est bien ou pas dans ta vie et tout ça. D'accord. Et après, ils choisissent s'ils t'envoient effectivement au paradis ou en enfer. Quoi. Mais, okay, mais qui est-ce qui choisit ? Mais... les Shinigami. Les Shinigami. Ça se négocie, non ? Non, je pense on pas. On joue au poker avec. Après, il n'y a pas qu'une seule personnification de la mort, ouais, pour eux. Donc c'est ça le problème. Mais il y a également des divinités qui sont au Japon, qui sont liées à la mort, mais qui ne sont pas des Shinigami. D'accord. Donc j'en ai trouvé deux. Enma. Mmh. Donc qui. Ah, lui, c'est un maléfique, non ? Ouais. Ça sonne bien maléfique. Je pense, ouais, notamment à Baki, son nom de famille. Qui est importé du bouddhisme et ouais, c'est le seigneur de la mort. Ah ouais ? Juste ça. Mais ça lui, par exemple, on le retrouve également en pop culture. Ah oui, dans Naruto notamment. Ah tiens. C'est l'invocation du troisième Hokage, le singe. D'accord. Oui. Oui. Mais on a également, c'est ça, magnifique, très beau bruitage de Enma. Et on a également Izanami, qui est une déesse shintoïste. Ah, il y a des femmes aussi. Oui. D'accord. Oui, vu qu'ils font de tout. D'accord. Et c'est la femme de Izanagi, qui est également liée avec ça. Qui est le cousin de Kusanagi. C'est celui qui présente les jeux sur France 2, ouais, c'est ça. Et cette légende là on peut la retrouver dans Naruto également, qui est une technique d'Itachi Uchiwa. C'est beaucoup de noms tout ça. Oui, c'est non, ça, mais... non, Izanami. Ah non, je me rappelle pas. Il l'utilise à la fin quand ça part trop en couille. Ah oui, voilà. Et les Shinigami peuvent se trouver dans plusieurs mangas également. Oh, c'est curieux, ouais, c'est bizarre. Bleach, Pardon. Par exemple, on a Bleach. Oui. Ou Death Note. Moi, c'est les deux qui me viennent directement. Bizarrement, hein, c'est étonnant. C'est vos, ouais, lectures, ça, en gros, quoi. Oui. C'est... oui. Ah, tu te sens exclu, Linda. Là, un peu, ouais, ouais. Non, mais y a pas que toi, Linda. Donc, dans Bleach, d'accord, là où je trouve ça drôle, c'est qu'en fait, le Shinigami, c'est un protecteur. Ah. Oui. Ouais. Il protège l'humanité des c'est méchants. Qui sont censés les tuer. Des méchants esprits, ah, qui mais sont j'ai foutus. J'ai tout compris. Donc, oui. Ah, toi, t'es plus bon à rien, tu meurs parce que tu peux plus défendre du monde. Non, ils sont déjà morts. Non, ils sont déjà morts. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des esprits au Japon. Il y a des esprits, quand tu meurs, tu deviens un esprit. Mais tu n'es pas malveillant tout de suite. Voilà. Tu es un esprit basique, neutre. On va dire neutre. Jusqu'à un moment donné méchant, où soit tu vas péter un câble et tu vas devenir un méchant. Un méchant en esprit qui vient s'appeler un holo. Ouais. Soit tu vas te faire envoyer au paradis, on va dire. C'est pas un sleepy holo. Et justement, dans Bleach, ils ont fait un. On va dire un minuteur avec une chaîne. Et la chaîne disparaît à la fin, c'est t'as plus rien. Mais c'est ouais, marrant, ça me fait penser, il y a un nouveau film sur Netflix, ça s'appelle Hellbound. Mmh. Et j'ai l'impression que c'est un peu le même délire, il y a des âmes comme ça qui viennent chercher les gens, je sais pas quoi. C'est possible que ça soit ça. Ça doit être assez ouais, c'est concordant. Peut-être que c'est inspiré. Il y a également un autre manga qui m'est venu à l'esprit quand on parlait des Shinigami. Et là, je pense que ça va te surprendre, Teddy, toi qui le connais. Il y a également dans Assassination Classroom. Ah, tiens. Oui. Surprise, non. Mais oui. Ou justement. Est-ce qu'on peut appeler ça alors Shinigami? Le surnom du tueur à gages le plus, oui, connu est Shinigami. Parce que. Qu'il a tué plus de 1000 victimes. Spoiler. C'est pour ça. Spoiler, dans Assassination Classroom, le personnage principal, c'est un genre d'extraterrestre qui s'appelle Kuro. Koro. C'est pas vraiment un extraterrestre, en fait c'est un humain qui a subi des expériences un peu malsaines, mais cet humain, lui, c'était un assassin de haute renommée, le plus grand assassin au monde. Grand au monde. Et son surnom, c'était le Shinigami. Voilà. C'est violent ce truc là ? Non, non, non, parce que ma fille alors, dit ça, donc honnêtement, c'est non. Non, non, c'est pas du violent. Honnêtement, moi, je regarde, ça m'amuse. C'est très amusant. Amusant. Base, ouais. Principe de base Assassination Classroom, déjà rien que le titre. Rien que le titre, oui, parce que ouais, le but du manga, en fait, ça va être ce monstre, cet extraterrestre, il a une puissance démesurée et surtout une vitesse trop facile. Genre il se fait poursuivre par des pilotes de chasse, il attend de lustrer les carrosseries des pilotes de chasse en vol. C'est drôle. Oui, c'est vachement drôle. Et sa puissance est tellement grande qu'il se fait chier ou je sais pas pourquoi. Il détruit la moitié de la Lune ou la Lune en entière, je sais plus. Non, c'est la moitié. La moitié. C'est pas le dessin sur la pente. C'est possible. Si. C'est ça, il détruit la moitié de la Lune et il va dire à la Terre. Écoutez, voilà, j'ai fait ça et maintenant. Je vais détruire la Terre au bout d'un an, par contre. Mais avant, je vais être prof. Voilà. D'accord. Là, j'interviens. C'est là que le classroom arrive, c'est ça ? C'est ça. Bah oui. Où il du prend coup, la il va classe devenir prof. D'un lycée très réputé, mais il prend la classe des poubelles. Qui est appelé dans le manga. D'accord. La classe super. Des déchets. Par contre, du coup, le gouvernement a mis une grosse prime sur sa tête, au prof, et. Enfin, à l'extraterrestre. Et du coup, les élèves, ils savent et ils ont pour ordre de le buter. De buter son prof. Ah, quel beau. Super. C'est... Voilà. Quel programme. Honnêtement, c'est assez marrant à regarder et je le conseille comme manga. Eh ben, je vais rentrer chez moi puis je vais. Même moi, ça m'amuse. Ouais. Hein. Ah, moi, genre, contrairement aux deux autres que je conseillerais pas forcément. Il y a deux saisons, j'ai vu à peu près toute la première et franchement j'ai beaucoup rigolé. Oui. C'est une lecture pour tout le monde donc. C'est ça. C'est intergénérationnel. Voilà, merci. Voilà. Merci Linda. C'est du fun pour toute la famille. Ah, même les vieux ils aiment. Ouais. Bah regarde, mon père aime bien ça. Bim. Et donc la deuxième créateur, c'est le Kitsune. Oui. Et ça signifie renard en japonais. Ah, ah bah si, je c'est plus facile à dire renard. Hein. C'est Firefox quoi. Pardon. Il est pas forcément en fire, mais. Non, d'accord. Il est fox. Hein. Tu en as parlé tout à l'heure, Linda, c'est un yokai. Ah, d'accord. Donc un yokai. Un esprit de renard. C'est un esprit magique doté de puissants pouvoirs, mais elle peut également, le kitsune, se changer en forme humaine. Ah, d'accord. Oui. Fait que ça peut. C'est pas un animé qui s'appelait Princesse Kitsune ou un truc comme ça C'est alors Princesse là, Mononoke. Mais c'est bien tenté. T'en étais pas loin, Thierry. Non, parce que je connais pas grand chose, mais là ça me fait écho. Ouais. C'est un très beau manga à regarder. Enfin, c'est un film. Hein. Il est très beau à regarder. C'est un Miyazaki. Miyazaki qui est légendaire. Lui, il a créé sa propre catégorie de manga, hein, clairement. Ouais. Enfin, d'animé. Il est très beau à regarder. Pour tout âge. D'accord. Alors faudrait tout peut-être que je le regarde alors. Moi, ah bah oui, non vraiment, si vous avez jamais vu de Miyazaki de votre vie, c'est le moment de se lancer hein, parce que vous avez raté quelque chose de alors votre moi, vie. Moi j'en ai peut-être vu mais je ne savais pas que c'était lui. Hein. C'est possible, il y a le château ambulant, il y a la princesse Mononoke, il y en a d'autres, mais bon. T'as plus les noms en tête. Il n'y a pas de Kitsune, oui. c'est le principal à savoir, il n'y a pas de Kitsune. Et sinon pour un truc trop mignon, comme on parle des yokai, il y a Yokai Watch. Qui a été une super petite animée pour les gamins quoi, c'était mignon quoi. Oui. J'aimais bien le concept avec les petits disques. Enfin, ah bah j'ai la montre et tout à la maison parce que ma fille. Ah je joue avec. Ah non mais ma fille a adoré donc on a forcément les petits trucs et tout. Enfin bon voilà la collection. J'ai la princesse Kitsune sur mon téléphone. Fais voir si elle est jolie ou pas. Alors, au moins. Je sais pas qui c'est. Mais... Ah oui elle est pas très habillée c'est ça. Non, elle est pas en porno. Ah, quoi que. Ah, merci. Mais je connais pas le manga, mais après, ça a l'air d'être des fan art surtout. Mm. Mais il y a peut-être un manga autour c'est d'elle. Hein, c'est pas faux. Fan art, c'est un dessin alors, fait c'est... par un fan. Oui. Quoi. Ouais. Mais genre, tu vois, par exemple, si tu tapes fantôme dans ta barre de recherche Google, tu vas trouver des photos de fantômes. Enfin, des photos. Des images de fantômes, mais beaucoup de gens qui les ont dessinés eux-mêmes. Donc ça donnera pas une vraie définition du truc. Là, tu vois, il a tapé Princesse Kitsune. Si ça se trouve, ça explique pas un truc de pop culture, c'est juste des images de gens qui ont imaginé Princesse Kitsune. Mais c'est peut-être aussi un film, hein, pour le coup. Peut-être que c'est issu de quelque chose. C'est, oui, il y a de grandes chances. Hein, pour ça peut, ouais. Donc voilà. Mais bon, Kitsune. Ce que j'allais dire, pour en revenir au Kitsune, il y en a deux formes. Pardon. Vas-y, là, j'ai rien dit. Non, t'es un peu trop en avance. Donc il y a deux formes. Il y a une forme bienveillante, on va dire, qui accompagne, qui peut apporter la chance, tout ça. Mais le problème, c'est que c'est un être qui est très farceur. Bah, les yokai hein, en même temps. Voilà, c'est des êtres farceurs, forcément. Ouais. Ils peuvent faire des blagues un peu. J'aime bien les bonnes vannes. Voilà, les blagues de mauvais goût, j'allais dire. D'accord. Ouais. Bienvenue sur Indestar. Et donc, en apparence, c'est un renard, mais il a une particularité, ce renard. Mm-hmm. Il a 9 queues. Ouh. Et donc là, je vais vous demander, est-ce que vous savez où est-ce qu'il est rangé ? Dans quel manga il peut apparaître ? Là, non, Ah bah voilà, je voulais rien dire, je voulais laisser Thierry et puis Linda chercher. Il y a Naruto, mais il y en a un autre. Pokémon ? Non. C'est... Pokémon ? Ouais, dans Pokémon. D'accord. Goupix et Fenard. En plus, Fenard pour le coup. Ouais, mais Goupix, c'est... C'est un bébé. Oui. C'est un bébé Kitsune. C'est un tout mignon. Mais oui. Pour le coup, c'est... Attends, où est-ce que d'autres qu'il pourrait y en avoir ? Vu que... J'en avais vu d'autres, mais j'ai noté ces deux-là, vu que c'était les deux plus marquants, vraiment. Moi, j'ai une question bête, peut-être, mais elle lui sert à quoi, les neuf queues ? Alors, selon... bah, par exemple, dans Pokémon, c'est... assez décoratif, clairement. D'accord. Par contre, si tu les touches, ça a particularité de te lancer une malédiction. Donc, ça est utile. C'est utile. C'est utile si tu veux lancer des malédictions, effectivement. Ouais. Mais c'est surtout joli, ça fait partie du folklore. Par contre, tu prends dans Naruto, c'est pas le cas. Ah. Elles sont là, bon, pour faire joli aussi. Pour se battre, c'est pratique. Ouais. Donc, ils l'utilisent pour le combat. En fait, dans Naruto, tu as 9 démons à queue et ils sont répartis. Le classement est fait par rapport au nombre de queues. Donc là, c'est un super fort, quoi. Voilà, c'est le fort des best. Voilà. C'est pas le classement qui est la plus grosse, comme la semaine dernière. Non, c'est celui qui en a le plus. Et justement, le Kitsune est mis avec le Tanuki, qui est également un démon dans Naruto. D'accord. Et le comble, c'est qu'ils s'aiment pas du tout, les deux. C'est ballot. C'est le démon à zéro queue, lui. Une queue. Ah, non, une queue. Forcément, le démon a une queue. L'autre qui dit, j'en ai 9, je suis le plus fort. Donc forcément, celui-là a une... Ça va être dur pour lui, ouais. En même temps, je le comprends. Moi, j'arrive. L'autre, il me dit, il en a 9. franchement, je crois que je fais la tête. Hein. Mais je ne sais que choisir. Ouais, tu te rends compte, tu fais un jeu, choisis une queue. L'Académie des 9. Par exemple, oui. Des 9 queues. Et donc, voilà pour ce petit tour au Japon. Sympa. Oui. C'était japonisant. Ouais. C'est vrai. Et là, on va repartir sur Indestar avec le Noble Beautiful, qui est une reprise de James Blunt. Peck Avenger, c'est comme. Dans OSS 117. C'est quand même bien mieux une voiture propre, non ? À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. Mais en différent. Nous sommes sur Indestar pour l'émission Peck Avenger 2.0, où nous parlons de mythes, un petit peu de tout. Tout ce qu'entoure les légendes. Mythes, légendes, monstres, tout ce qui est... On parle de nous, quoi. Nos expériences. D'ailleurs, nous, on peut se retrouver où ? Bah, en podcast. Ouais. C'est vrai. Sur Spotify, Deezer. Mais le plus simple, c'est d'aller sur Indestar directement. Sur Indestar.fr, Ce ne sont pas des plateformes fantômes. Pas des plateformes fantômes, ça existe. Indestar, c'est vrai, c'est en dur. Mais... C'est du béton. Et... Alors, je précise que Podcast Daniel, comme j'ai parlé au début, finalement, c'est une plateforme fantôme. Ah oui, ça n'aura pas lieu. D'ailleurs, c'est tellement dur que vous pouvez venir à Indestar participer avec nous, ou alors, si vous ne pouvez pas... Aussi au 09 70 407 306. On nous retrouve sur les réseaux, genre en Facebook, Insta. On a le programme qui est diffusé. Donc, Et d'ailleurs, si je me trompe pas, je crois qu'il y a quelqu'un qui nous appelle actuellement. Oui. Attends, je vais baisser un peu le bed. Quelqu'un, es-tu là ? Oui. Oui, bonjour. Vous m'entendez ? Oui, salut. Ouais. Bonjour. Allô, vous avez l'air paniqué quand même. Ouais. Une voix d'au-delà. Sébastien. Sébastien. Oui, vous. En fait, je suis chez moi là. Qu'est-ce qui t'arrive ? T'as quoi ? Je sais pas, il y a des portes qui grincent depuis tout à l'heure. La lumière s'est éteinte. Mettre de l'huile. Je sais pas trop quoi faire. Alors, je sais pas si vous avez des conseils à me donner parce que j'ai l'impression qu'on est déjà à l'huile. J'en ai un conseil à donner. Est-ce que tu connais le WD-40 ? Franchement. Rigolez pas vraiment parce que en vrai, la porte elle s'est ouverte toute seule. Il est en stress le mec là. Tu ne l'avais pas fermé. Il y a vraiment des... C'est qu'il n'avait pas fermé la porte. Ah, attendez. Oh. Oula. Oh mon dieu. Sébastien, t'es toujours avec nous. T'habites où en montagne? Ça, c'est le facteur avec un recommandé. À ce heure-là? Dans les Alpes. Non, mais c'est la première fois que ça arrive en fait. C'est la première fois. Vous entendez des bruits? Oui, on a entendu. On a entendu. C'était quoi, Sébastien? T'es tombé? Non, ça fait des bruits dans le sous-sol. Ah, alors pour ça, je te conseillerais d'aller voir dans le sous-sol avec une lampe torche. C'est pas bon dans les films quand on fait ça en général. Ça, souvent, c'est pas bon. Non, attends, les films d'horreur déjà. Tu as un sous-sol. Le sous-sol de la peur. Tu as un sous-sol, Sébastien. Sébastien ? Oh mince, on l'a perdu. Je crois qu'on a perdu Sébastien. Oh mince. Ah, il a raccroché. Sébastien, j'espère qu'il va bien. J'ai peut-être une réponse à lui donner. S'il a un sous-sol, c'est vachement important. D'avoir quoi, des fantômes ? D'avoir une cave. Non, mais il y a peut-être une raison. Et j'aurais voulu savoir comment était son sous-sol. Si c'était une maison en bois sur sous-sol, combien il y avait de portes dans le sous-sol, s'il y avait des fenêtres. Bah, tu sais quoi, je crois qu'on va pas le savoir. T'as pas son numéro? Non, j'ai pas son numéro. Il nous rappelle pas? Alors. Je crois qu'il est arrivé quelque chose. Ah, Sébastien. Je crois, ouais. On a perdu un auditeur, je dirais. En plus, on a même pas son adresse. C'est étrange, ça. Pas... Oui. On a même pas son adresse, ses coordonnées, rien. On peut même pas le signaler. Sébastien, on peut même pas l'aider pour le coup. Sébastien, fais-toi tout petit en attendant de grandir. Sébastien, si tu nous écoutes, rappelle-nous. Ah bon. Le truc à retenir, si vous avez des portes qui grincent, WD-40. ça marche à tous les coups. Non, mais par contre, j'allais donner mon conseil. Il y a quand même quelque chose d'important par rapport au sous-sol. Tout dépend du nombre de portes que vous avez, de la taille du sous-sol, et surtout si vous avez qu'une seule fenêtre. Surtout un petit... Une petite lucarne. Ouais. Ça change que les fantômes qui vivent dans les sous-sols... Aiment pas les lucarnes? Bah oui, parce qu'en général, c'est trop petit. Ah, ils passent pas? Ouais. D'accord. C'est un peu juste. Donc mettez des grosses fenêtres fantôme, à vos... Si c'est un fantôme, il peut passer à travers les murs. Donc du WD-40, fenêtres. Mais les fenêtres, c'est du verre, c'est pas pareil que les murs. Ah, du double vitrage, quitte à faire. Ouais, bah justement, double vitrage. Tant qu'elle est au plus dur. Voilà. Il nous rappelle toujours pas notre auditeur là. Ah, putain. Je pense qu'il est tombé dans les escaliers ou il s'est fait choper par le fantôme. Ouais, je dis scientifiquement. C'est Halloween en avance là. Fantomistiquement. À tes souhaits. Voilà, merci. Il est prouvé que le verre pose un problème. Il passe facilement à travers les murs, mais le verre. Alors quand c'est un double vitrage. Et je te dis pas, en Suède ou les pays nordiques, c'est du triple vitrage. Bah ça passe pas, hein. Bah non, ça passe pas. Hein. Par contre, ce qui passe sur Indestar, c'est la musique. Alors, j'allais dire, tu vois, ce qui peut poser problème aux fantômes, c'est la musique. Ah bon? Oui. Ça les perturbe? Surtout si tu chantes. Oui, bah alors là, je vais pas m'y risquer, je vais laisser Inuit avec son titre Hush le faire à ma place. Peck Avenger, c'est comme dans One Piece. Allez, t'es un homme, arrêtons de pleurnicher. Je peux pas. Mais en différent. Nous sommes sur Indestar où nous venons d'avoir un appel quand même assez inquiétant avec Sébastien quand même. Inquiétant, je dirais pas ça, je dirais plutôt court. Oui, un appel, mais express. Enfin, en même temps, il a précisé, il était dans les Alpes, alors c'est vrai qu'il y a des endroits dans les Alpes. En zone blanche, c'est bien pour les fantômes. Bon, j'espère qu'on aura ses nouvelles quand même. Hein. Peut-être qu'on aura ses nouvelles, on verra bien. Espérer. Sébastien, si t'es encore là, si t'es vivant, écoute. Oui, n'hésite pas à nous rappeler au 09 70 407 306. Sinon, une belle carte. Moi, je le connais à force. Une belle donc carte postale. Tu devrais le connaître aussi. Ce serait bien. Ouais, une carte postale, ça fait longtemps que je l'ai pas reçue. Ouais. Là, on va peut-être pas. Sébastien avait peut-être 27 ans et peut-être décédé. Peut-être. En fait, peut-être. Moi, je vais vous parler de la malédiction dans le monde musical. Ça s'appelle le Club des 27. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Ah, absolument pas. Oui, c'est ceux qui décèdent. Kurt Cobain. Et oui. Il y a qui? Il y a pas eu Avril Lavigne il y a pas longtemps? Elle est pas morte. C'est comment ça s'appelle? Jimi Hendrix, 27, je crois. Ah, mais ça fait un moment. Ouais. Il y en a personne. Non, je suis en train de chercher l'autre. Là, alors, Kurt Cobain, Brian Jones, Jimi Hendrix, et évidemment, quelqu'un d'autre que je vous parlerai ensuite. Mais pour l'instant, je vais vous donner. Pardon? Da Vinci. Non. Ah, c'est vrai qu'il avait 27 ans aussi, celui-là? Il avait 27 ans. Oh là là, d'accord. Super DJ. Ouais, magnifique. Alors, le mythe du Club des 27 a commencé en 1938 avec la mort de Robert Johnson, guitariste de blues à tout juste 27 ans. Pas de bol. Et alors, quel est le point commun? Bah, vous le connaissez, je vais plus vous poser la question, parce qu'en fait, c'était ma question, mais non. Du coup, ils sont tous morts à 27 ans. Voilà. Alors, j'aime beaucoup tes questions, Linda. Elles sont simples. Et ça a commencé avec lui, quand tu juste réponds lui. Avant C'est la question rhétorique, ça s'appelle. Parce que j'ai rien compris, tu peux redire? Bah, en fait, vous avez déjà la réponse à ma question, donc c'est pas drôle. On appelle le Club des 27 parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts à 27. Et oui. Enfin, à 27 ans. Mais du coup, le premier, c'est lui. Mais du coup, c'est à partir du premier que la légende a été créée. Parce qu'il y a eu qu'un seul, du coup, qui est mort pour le moment. Bah, lui, c'est le premier. Oui, c'est le premier. Mais du coup, la légende ne peut pas commencer à partir du premier. T'es dit, à partir du moment où il y en a qu'un, c'est le premier. Bah oui, non, c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que le Club des 27, c'est un club. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs. En fait, ça fait plusieurs coïncidences et plusieurs rumeurs ont été créées. Ils sont montés jusqu'à lui. Oui, ça voilà. Doit être le ça. Premier, c'est lui. Et en plus, après, ça s'est développé, quoi. Ouais. Mais alors, dans le club des 5, ils sont tous morts à 5 ans. Eh ben, oui. Alors, moi, j'ai la vraie rumeur, c'est qu'en fait, ils auraient passé un pacte avec le diable. Et le pacte, c'est avoir la gloire et jouir d'un talent immense pendant quelques années et ensuite leur donner la mort, quoi. Ils sont morts. Pourtant, il y a Amy Winehouse, elle a pas de talent. Ah, bah c'est... si. c'est méchant. Non. Bah, entre Lavigne et Winehouse, je me suis trompé en fait. Tiens d'ailleurs, j'ai un petit bout d'Amy Winehouse. Je vais y arriver à le dire. Si tu veux bien nous faire écouter. Bien sûr, sans problème. C'est vrai que c'est l'ami Winehouse. Alors, s'il y arrive avec ses boutons. Je sais pas le dire, mais... Oui, mes boutons veulent pas coopérer, mais ça, c'est... On va demander à Thierry. Celle-là, c'est la... celle qui est la plus connue. Ouais. C'est son titre Rehab, c'est ça? Ouais, et alors Teddy, tu n'aimes pas. Hein? Tu n'aimes pas Teddy? Franchement, non, je vois pas. Après, on aime ou on n'aime pas, mais. Ouais, je sais pas. Bah, j'ai jamais été fan de soul ou jazz. Bon, en même temps, pour revenir sur Amy, elle était quand même une bonne. Elle avait une petite vie un petit peu mouvementée, on va dire. Elle était. La drogue. Voilà. Pardon, hein, voilà. Mais voilà. En même temps, on a compris. Dans ce monde de rock, en vrai, c'est tout le monde qui était. C'est vrai que dans le monde de la musique, c'est souvent. Ouais, c'est un peu tout le monde. Hein. C'est malheureux, hein, mais bon. Voilà, donc, bah, malheureusement, ils meurent tous très jeunes. 27 ans, c'est très jeune. C'est assez jeune, ouais. Est-ce que c'est à ça qu'on reconnaît un grand rocker parce qu'il meurt à 27 ans? Eh ben écoute, en tout cas, il fait partie du club des 27. Ça, ça pourrait, ouais, c'est vrai que. Donc ça veut dire que si je meurs l'année prochaine, je suis un grand rocker. Ouais, mais toi, je pense pas que tu. Il faut que tu meures dans ton heure de gloire pour marquer. Alors, on va faire un tour de table. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, c'est une rumeur? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que le pacte, c'est possible? Est-ce que cette. Voilà. Personnellement. Ce talent est pas. Il vient pas tout seul, quoi. Voilà. C'est pas. Si, il y a des gens qui ont du talent dès le début et d'autres non, d'autres ils travaillent. C'est dit, n'en a pas. Personnellement, moi j'y crois pas spécialement au niveau du pack. Après, je crois. Enfin, je crois. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts à 27 ans, c'est con, mais c'est la réalité. On a oublié, il y a Janis Joplin aussi qui est mort à 27 ans. Tombe bien, je connais pas. Il y en a beaucoup, moi non plus. Mais oui, il y en a un paquet, mais le du coup, pacte des loups. Je suis pas spécialement croyant du pacte. On va dire que déjà dans ce monde-là, comme on disait, ils boivent beaucoup, ils se droguent. Bah oui, voilà. Et forcément, je veux pas dire que ça maximise les risques, mais un petit peu quand même. Ça aide, quoi. Ouais. Qui fait pas bon. Qu'est-ce que t'en penses, Daniel, toi? Oh, moi, tu sais, à part le pacte de bière. C'est pas ça va, normalement, ça te tue pas à 27 ans, ça, normalement. Ah. À moins que attends, tu fasses un coma, Attends, faut que je refasse la blague, elle a pas compris. Si, le pacte de bière. Non, mais je ne note pas ce que tu dis. Ah, bon. Je trie et je remets dans la bonne version. Ah, d'accord. Bref, ce que je pense. Oui, pourquoi pas. De toute façon, il y a tellement de choses bizarres qu'on n'explique pas. Pourquoi pas. C'est une légende pour l'instant. Après, ouais. Voilà, t'y crois ou t'y crois pas. Non, mais pourquoi pas. Oui, il y a des chemins qui sont similaires, qui se terminent de manière similaire, alors que c'est des gens qui se connaissaient pas, qui n'avaient pas les mêmes producteurs, qui n'avaient pas les mêmes maisons de disques, qui n'avaient pas les. Oui. Pourquoi pas. Ça permet d'avoir au moins une explication. Oui, c'est une coïncidence, quoi. Voilà. Non, là, c'est plus une coïncidence, là. Ah, donc t'es plutôt croyant. Oui, je voulais pas le dire, mais oui. D'accord. Oui. Bon, Kevin, t'en penses quoi, toi ? Moi, je dirais non, aussi bien pour le pack que pour le. Par rapport au talent, et je vais m'expliquer par rapport à ça. Ouais. Pour moi, en fait, il y en a qui ont des facilités, mais sans travail, tu peux pas faire c'est un vrai. Talent. Donc... Pétard, t'as des paroles de sage, toi. Tu es un sage. Je suis le plus vieux de la bande, donc faut bien. Ah bon ? D'accord. Super. Non, okay. En fait, je suis le plus jeune. Voilà, donc, c'est ça. D'où la blague. Donc, Thierry, t'as un avis ? Bon, en fait, ce qui m'intéresse surtout, c'est que ces personnes-là, à 27 ans, avaient commencé largement à exprimer leur talent. Mmh. Ouais. Faisaient de la scène qui rassemblait beaucoup de gens. Monde. Si tu veux, c'est ça qui va m'intéresser, c'est que ces personnes-là, quelque part, ont eu de la chance de commencer tôt et d'être connues. Et après, malheureusement. Mais c'est vrai que ce soit 27 ans, que ce soit à n'importe quel âge, quand on arrête en pleine gloire, on fixe quelque chose. Ce qui fait qu'on devient. On reste. On écrit sa légende dans l'histoire. Il y a d'autres paroles de sage, là, quand même. Avec Thierry. C'est non, il y a eu les miennes, hein. Alors, toi, un sage, ça se saurait. Hein. Teddy, t'en penses quoi, toi, de cette légende en premier, mais. Oui. Est-ce que pour toi, t'y croirais quand même? Non, t'y crois pas, non, du coup. Non, pas spécial. Enfin, pas pour le pacte, en tout cas, parce que. Oh, je suis très cartésien, ouais. Donc, oui, ils sont morts à 27 ans. Ok. C'est tout. Certains avaient du talent, d'autres non, hein, clair. Enfin, pour moi. On peut dire qu'ils avaient du talent, mais bon, je suis pas fan, donc. Voilà. Ouais, mais. Et. Pacte, non, je suis pas sûr. Je me rappelle pas avoir signé. Pour être bon comme tu es bon, c'est ça? Non, c'est que j'ai. Fais gaffe parce que. En plus, t'as pas encore 25 ans, toi? Non, c'est l'année prochaine. Oh ce qui va être génial, c'est qu'on va se rappeler longtemps d'eux. Enfin, longtemps, peut-être plus. Ça va nous marquer, ouais. Moi, c'est ça. Personnes qui auront vécu très longtemps. Ceux qui sont en vie, tu vois, et qui ont pas trop. Enfin, pas trop percé. Ça va, ils ont leur petite heure de gloire et tout. Mais vu qu'ils sont encore en vie, tu vois, ils ont pas percé autant. Bah, mais dès que les gens meurent, bizarrement, bah pouf, on parle de. C'était un grand homme, dit-on. Ouais. C'est, voilà. Je pense que ça peut être aussi parce que les gens qui sont morts comme ça en pleine gloire, finalement, ils n'ont pas fini, ils n'ont pas achevé leur œuvre. Ouais, donc quelque part, on regrette que ce soit pas achevé. C'est vrai. Ouais, mais ça marche pour ceux qui sont restés longtemps aussi. Hein. Je te rassure. Ouais, bah y en a, ils ont achevé plusieurs fois. Hein, ouais. Puis... y en a, on aurait bien aimé que ça se termine avant. Et puis y en a qui sont morts et on sort encore leurs albums, quoi. Donc. Oui. Aujourd'hui, on fabrique. Des choses post-mortem aussi, parce qu'on a toute la technique pour. Hein. Oui, ouais. On arrive même à trouver des inédits de gens qui sont morts. Et refaire des concerts depuis Mathusalem. C'est ça, c'est ça. Donc toi, Lindel, Club des 27 ? Je sais pas, écoute, c'est mystérieux. Mais j'aime bien ce petit mystère en fait. Ça tombe bien, c'est le thème de soir. Et oui. Oui. Donc ? Oui. Bah. Donc, je sais pas moi, donc quoi. Non, mais en plus. C'est pas moi qui décide. Bah, on peut s'écouter une musique après. Ah, on peut écouter une musique. On va écouter d'ailleurs. C'est écouter, oui. C'est un fantôme qui a pris possession de toi. Il y a beaucoup de fantômes ici quand même. Sors de ce corps, fantôme. On va écouter Shura, Religion sur Indestar. PK Avenger, c'est comme dans Duke Dumpkin. Oh ouais, c'est l'heure de botter des culs. Mais en différent. Nous sommes sur Indestar pour l'émission PK Avenger 2.0 où nous parlons mythes et légendes. Mais on a parlé surtout de mythes pour le moment, non ? Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ça dépend, ouais, on a parlé de moi aussi. Ouais. Non mais toi, on s'en fout. Toi, t'es une légende, c'est ça ? Exactement. Ouais. Ouais. Non, mais... une légende. Au pire, on... Ah, tu veux dire qu'on a parlé de légendre ? Oui ! Alors, je suis pas gendre, mais bientôt, peut-être. Alors là, il a des infos... Qu'on n'a pas. Croustillante. Voilà. Mmh. Et... Daniel, il me semble que tu nous as préparé quelque chose, une légende. Oui, alors je vais vous parler d'une légende. J'ai été déterré une légende sud-américaine. Ouais. Mais j'ai voulu, au lieu d'en parler, je vais dire bêtement, j'ai voulu la faire vivre. Donc juste là, juste avant, je vous ai remis à chacun des textes. Alors je vais vous parler de la légende. Et donc j'ai essayé d'imaginer quand même quel pouvait être le scénario de cette légende. Donc j'ai imaginé 4 scènes. D'accord. Alors, moi, je vais vous raconter l'histoire, donc, et je vais distribuer les rôles. Hein, il y a 4 personnages. Oh, ça tombe bien, on est pile poil 4. Ouais. Comme c'est étrange. Non, mais moi, je suis 2 à l'intérieur. Mythes et légendes, il y a une part de mystère. Hein, c'est vraiment le hasard. Hein, Mystère et bubblegum. Ça tombe bien, on a des bonbons. Ouais. Oui. Oui, c'est vrai, on en a mangé un peu avant. Oui. D'ailleurs, on a mangé aussi autre chose, des sablés. Oui. Oui. Qui étaient très bons, merci Linda. De rien, de rien. Hein alors, on est obligé de dire qu'ils étaient très bons, autrement on est menacé. Kevin, attention. Hein. C'est surtout que sinon on n'aura plus. Ouais, et, et on les appelle pas des cookies, n'est-ce pas ? C'est pas Teddy. C'est pas moi. J'ai rien fait. Ouais. Je suis innocent. Oui. Et cette légende alors ? Alors. Oui, ah, faut qu'on en parle, c'est vrai. Bah oui. Oui, oui. Bah, c'est ta légende, c'est toi qui nous la présente. Alors, la légende se situe juste après la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Donc en 1900. C'est Colombin en 1900. Oups, on recommence. En 1500. Oh, c'est merci, sympa merci. Ça. Voilà. J'ai longtemps cherché un bed justement, j'ai pas trouvé, mais finalement. C'est... Alors, je vais pas vous mentir, j'ai mis 3 beds avant, vous l'avez peut-être pas entendu. Si, si, on a mais vu j'ai trucs, galéré. C'était marrant. Nous sommes en répétition, mais en direct. Oui, je me suis. Mais qu'est-ce qu'il fout Alors, donc. Pas en 1932, mais en 1532, 30 ans après la découverte des Amériques par, comme je le disais, Christophe Colomb, les conquistadors arrivent sur les plages américaines, indiennes, amérindiennes, et font ce qu'ils... Alors, il y a Cortés, Hernán Cortés, qui va combattre les Aztèques au Mexique, et Pizarro, lui, part en guerre plus au sud contre les Incas. Alors, ça, c'est l'histoire, le truc. Voilà, quel est l'attrait du Nouveau Monde ? Évidemment, ce sont toutes les richesses d'or. Oui, le meurtre, l'or. Les mystérieuses cités d'or. Tout pillé pour tout ramener. Entre autres, j'adore d'ailleurs les mystérieuses cités d'or. Je regardais ça quand j'étais petit. C'est tout le coffret à la maison. T'es petit, toi ? Ah ouais ? Mais oui, c'est... on regardait. Non, mais il y a le coffret, c'est Thierry qui a le coffret. Oui. C'est violent. Ouais. Alors, comme je l'ai entendu, Linda, t'as gagné. Donc la plupart des Espagnols l'ont entendu, même dans le fin fond des campagnes, parler... Oui, t'inquiète, j'ai entendu. T'inquiète pas. Parler des incroyables richesses du Nouveau Monde. Et parmi eux, il y a un certain Hernán Barranquilla qui dit, sans famille, il se dit après tout, j'ai rien à perdre, je vais partir vers Rémi le nouveau sans monde. Famille. Oui. Hein. Voilà, c'est Hernán. Hernán Barranquilla, donc Hernán sera joué par, sera interprété par Teddy. Moi. Ah, c'est un rôle féminin. Non, non, c'est un rôle masculin. Ah bah non, il y a un rôle féminin. On a Linda ce soir. Oui, alors, ouais, mais attends, il y a un bug. Teddy, depuis quand tu fais des rôles masculins? M'arrive de temps en temps, une fois sur deux. Ça, alors depuis que je suis là, je l'ai jamais vu faire un rôle masculin. Bah tu vas le voir ce soir. Ouais. Magnifique, il pourra faire sa vraie voix du coup. Ah non, je comptais pas faire ma vraie voix. Ah mince. Alors donc, Hernán Barranquilla s'engage comme matelot sur un bateau pour rejoindre le Nouveau Monde. Ouais. Et il s'engage comme, comme conquistador dans l'armée de Francisco Pizarro. Bah je vais aller rejoindre lui, il a l'air sympa. Voilà. J'étais tout seul sur mon radeau, là au moins j'ai un bateau. Il t'a offert des pizzas? Alors je vous annoncerai au fur et à mesure le nom des participants avec les interprètes. Alors, il fait pas fortune tout de suite, deux ans plus tard, en 1544. Oui hein. Le nul. Ouais, bah ouais, hein, oui, il n'y a pas de chance, hein. Ah, et, les Incas ils se laissent pas faire non plus, hein, ils veulent pas donner leur or, donc ils guerroient sans cesse contre les Espagnols. Mais finalement, justement, en 1534, Cortés et puis ses conquistadors ils arrivent à s'emparer de Cusco, la capitale de l'Empire Inca. Et à ce moment-là, donc, Hernán, comme tous les conquistadors, il est fou, il a de l'or, la richesse. Ça y est, mieux que le loto. C'est dire, hein. Bon, ils connaissaient pas le loto à l'époque, mais c'est pour donner une image, hein. Et donc, il fait comme tout le monde, il va où il y a des richesses, et dans l'Empire Inca, où il y a le plus de richesses, ouais. C'est le temple du soleil. Je crois que là-bas, ça brille. Voilà. Alors, je flaire un truc, ça s'appelle, la jungle, mais d'abord l'or. Mais tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est pas faux. Voilà. Très bien dit. Bravo. Oui. C'est vrai. Bon, on va y aller, alors. Ouais, alors, il est dans le temple du soleil, Hernán. Ouais, et cool. À un moment donné, Sympa ici. Oui, ça brille. Je ferais bien un duplex. Hein. Oh, c'est... ça brille, c'est doux, c'est neuf, c'est lavé avec quoi? Avec le temple du soleil. Avec Mire. Donc, à un moment donné, il ne sait pas ce qui lui prend. Il y a. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Comme une lumière l'aveugle tellement qu'il tombe d'inanition, il tombe ilé. Oh, je suis aveuglé, mais quel jeu d'acteur! Vite, mais lumière. Et là, à ce moment-là. Ouais. Mais il y a quelque chose là-bas. Mais c'est quoi ce truc? Il y a un fantôme et une légende. Ouh, je suis un fantôme. Voilà. Oh mon Dieu, donc... monsieur le fantôme. Ouh, le fantôme, Samy. Mais qui êtes-vous, monsieur le fantôme? Attends, faut que je présente. Ah. Arrive une ombre. L'ombre... De l'ombre, moi-même. C'est le dieu soleil Inca. Alors, je vais l'appeler Inti, parce que je sais pas si on dit Inti ou Inti, mais je préfère Inti à la Ça dépend si c'est intime. Voilà. Donc, Inti s'avance vers Hernán. Qui êtes-vous, monsieur? C'est marqué où, ça? il sait pas qui il est. Eh, répondez-moi, quand même, petit Inti. Fantôme. Nous savions que toi et tous ceux qui se font appeler conquistadors allaient venir de par les mers. Hélas, nous n'avions pas imaginé que vous seriez aussi cruels et violents. On n'est pas si violent que ça, tu vois. On est plutôt sympa. Hein, on sait faire des cookies, tu vois. Mais je suis Inti, le dieu soleil Inca. Un dieu Inca, ça existe, ça? Ton attitude est le reflet de l'arrogance de ton peuple. Cependant, le conseil des dieux t'a choisi, car malgré toutes tes erreurs, et tu en fais beaucoup, n'est-ce pas? Tu es le moins perverti de tous, mais pas le moins pervers. Ah bah c'est cool alors, mais pourquoi moi? Je ne peux pas te le révéler. Pour le moment, une seule chose compte, tu dois rester en vie. Alors ça tombe bien, c'est ce que je comptais faire. Merci. On peut devenir copains si tu veux. T'auras des cookies. J'aurais bien changé le texte. Ouais, j'ai imaginé vite fait, hein, désolé. Quick, paf. Voilà. Mais enfin, vous pouvez le changer un petit peu, hein, c'est pas gênant. J'en ai un peu rajouté. Ne me tue pas tout de suite, j'ai encore besoin de toi, t'en as un peu rajouté, hein, Hernán, lui, il a carrément... Les tripes à l'air. Alors, là, l'ombre se dissipe et Hernán... Moi, je continue. Reste tout seul dans le temple du soleil, mais... Il est tout seul, le temple est pillé, saccagé. Il a pas d'or, il a pas eu le temps de... Déjà ? Ouais, il a plus d'or. Il est arrivé en retard. Il est dehors, mais il a pas d'or. Ouais, il a dormi. Alors, c'est pire. Hein. C'est pas la même. Voilà. Quelle tristesse de venir piller un temple sans qu'il ait d'or, quoi. Non, mais sans déconner. Qui dort, Dean. Ouais, alors ça, j'ai expérimenté, et à mon avis, c'est une grosse connerie. Hein. À mon avis, hein. Maintenant, vous me direz ce que vous en pensez, mais alors, d'après mon à l'envers, qui dîne bien dort peut-être bien. Bah, faut peut-être la prendre à l'envers, en effet. Hein. Ça, c'est peut-être pas idiot. On serait pas en dehors du sujet, là, par hasard? Si, si. Non, d'accord. Mais tout ça pour dire que si tu dors, tu deviens pas riche parce que tu ramasses pas de l'or. Exact. Voilà. Alors, attends, je dormais pas. Hein. Alors, c'est bien d'avoir l'or, mais le garder alors que les Incas veulent le piquer, c'est pas une bonne idée. Donc, ils veulent ramener de l'or en Espagne. Oui. Donc, un convoi, Cortés, il fait faire un convoi. Et comme par hasard, Hernan est l'un des membres de l'escorte. Ouais, alors, j'aime bien escorter. Ouais, ouais, non, mais j'ai vu. Hein. C'est pour ça que je t'ai demandé. Tu es un escort boy. Voilà. Ah non, si tu fais féminin, c'est escort girl. Alors, toutefois, de toute façon, les Incas, ils ont peut-être perdu une bataille, mais pour eux, ils n'ont pas perdu la guerre. Alors, ils harcèlent constamment les convois. Dès que les Espagnols sortent de Cusco, ils les attaquent. Évidemment, il y a des attaques du convoi. Et puis, à un moment donné, Hernán se retrouve tout seul, séparé du groupe. Encore ? Ça, c'est putain, mais vous êtes où, les gars, franchement ? Putain, je vais leur mettre une petite corde, là, parce que à chaque fois, je les perds. Déjà, enfin, c'est eux qui se perdent, hein, c'est pas moi. Je crois que t'es pas un bon conquistador non, pour qui t'abandonne. Il y a un problème, Zéro. Il est toujours tout seul. Il était tout seul en Espagne, il était tout seul dans le temple, il est tout seul dans la jungle. Bah ouais. Rassure-toi, ça ne va pas continuer. Oui, parce que je sors ma bousse... Ah non, elle est cassée. Ouais. Tu es déboussolé ? Ouais, ça, c'est bête. Je sais pas si on va pouvoir continuer l'histoire si Hernán n'a plus de boussole. Bah ouais. Allez, on va la continuer quand même. Donc, seul épuisé, bah, les Incas, ils finissent par... il est fait prisonnier. Non, ah bon pas, t'as que le texte, hein, je te dirai quand tu veux. Ah, j'ai que le texte, ah. Ouais, d'accord. Mais j'ai aussi une boussole. Mais qu'est-ce que c'est ? Mais moi, je l'ai pas, la boussole. D'accord. Voilà. Et donc, il est fait prisonnier par les Incas, il arrive dans le camp des Incas et... Là, il se passe un phénomène bizarre. Oh, il mange des trucs pas bons. Entre autres. Mais pas que. Le soleil est éclipsé par de violents orages accompagnés de... C'est vraiment des torrents d'eau. C'est assez impressionnant. Alors, t'as le roi Manco Inca et sa sœur Quetzal, qui est la grande prêtresse. Bah, ils échangent sur le phénomène. Alors, Manco Inca, ça va être Kevin. C'est un roi méchant. Ouais, hein, c'est méchant. Et Quetzal, bah, on compte sur toi, Linda, vraiment beaucoup, parce que c'est l'héroïne de la légende. Alors... Que se passe-t-il ? Qu'est-ce qu'ils racontent, ces deux-là ? Je veux un sacrifice ! D'accord, c'est ça son texte ? Oui. Je ne suis pas d'accord ! Catkil, le dieu de la foudre et du tonnerre, Kon et Pachacamac. Ouais, les dieux du vent et de la pluie, ce sont eux aussi exprimés. Ce n'est pas un sacrifice qu'ils réclament. Il faut sacrifier l'Espagnol ! Quoi ? Je suis la grande prêtresse, c'est moi qui interprète les messages des dieux. Et moi, je suis le roi. Ouais, nous bah, allons sacrifier l'Espagnol. Attendez. Moi, je suis pas d'accord avec le roi, je préfère la prêtresse. Silence, l'Espagnol. Ok, je me tais. À bord, le roi. Nous allons le sacrifier Dieu. Pour que les dieux soient contents. Ouais. Ce n'est pas le message que nous envoient les dieux. Il sera sacrifié. Être la sœur du roi ne te donne pas tous les droits. Face à l'intransigeance de Manco Inca et Quetzal, bon, c'est pas la peine de discuter, elle se retire. Oui, que voulais-tu dire, Hernán ? Bah, je vous entends vous disputer quand même pour savoir si vous allez me sacrifier ou pas. Alors, je me permets de vous dire, c'est pas un signe des dieux, les gars, hein, c'est juste une éclipse. C'est tout à fait normal, ce phénomène. Après, faites ce que vous voulez, hein, rien dit. Hein. Ne me tuez pas, c'est tout. Ils savaient pas que c'était une éclipse. Hein. Ah ouais, bon, bah, ici, ils connaissent pas en même temps. Quel inculte. Bah, va leur dire, peut-être qu'ils t'écouteront, on sait jamais. Hein. Leur intelligence, un jour, peut-être. On ne t'écoutera pas. Ok, bon bah c'est bon. Hein. Voilà, alors. Je me casse. Ah bah Quetzal, elle a dit c'est pas la peine de continuer, mais comme c'est la grande prêtresse et la sœur du roi, elle a quand même quelques petits privilèges, Quetzal. Hein, quand même. Elle se dit, bah, je peux aller venir comme je veux, donc elle va rendre visite à Hernán. Je vais pécho. l'histoire ne dit pas si Hernán a pécho. Ça sous-entend. mais que fait Quetzal ? Elle est pas d'accord et pour elle, c'est. C'est une erreur de sacrifier l'Espagnol, donc qu'est-ce qu'elle fait ? Non, elle je ne trouve pas. Elle s'enfuit. Bon, tais-toi, c'est plus ta scène, hein ? Bon, d'accord. Maintenant, on va voir Dieu, alors. Non, je me recoiffe un peu. Ah merde, j'ai pas de cheveux. Madame la prêtresse ! Yo ! Vous parlez vachement bien, Léon. C'est une jeune prêtresse. Ouais, ça vous dirait la pas. Prêtresse de banlieue. Vous avez pas un petit passage ou la quelque chose pour se barrer des Ulysse. Je sens que vous êtes de mon côté. Vous alors, pouvez pas m'aider. Justement, c'est pas Kezoel qui va t'aider. Elle va juste te tenir la main, fais pas plus, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Ah merde. Non, mais j'ai confondu. Quoi encore. Ok, bon, bah, excusez-moi. Hein. Et finalement, c'est Inti, le dieu soleil, et une nouvelle venue, Mama Kila, qui est la mère de la lune et de la nuit, parce qu'il y en a un qui guide le jour et l'autre la nuit, qui permet à ces deux fugitifs de rejoindre un œuvre de paix. Alors, ce œuvre de paix, bah, finalement, c'est là où vivent les dieux. Alors donc, qui reçoit Quetzal? Bah c'est Inti, le dieu soleil. Ici, vous êtes en sécurité. Oh, mais je te reconnais, toi, t'étais dans le palais. T'étais sympa, tu voulais pas me tuer tout de suite. C'est cool, bah merci en tout cas. Bah oui, parce qu'il faut que je garde de la viande pour les lions. Hein. Surtout en Amérique du Sud. Bon bah oui, bah... Ah, oui, ça venait d'Afrique. Je suis moins content tout d'un coup, si c'est pour les lions. Mais bon, c'est quand même sympa, tu m'as quand même sauvé de l'autre pecno, c'est cool. Besoin de lui, mais pourquoi? Que besoin doit-il faire? Besoin de lui, mais pas de toi. Que doit-il faire? D'accord. Inti, tu parles de mon temple. S'il n'y avait pas la prophétie, tu aurais été sacrifié pour l'avoir saccagé. Toutefois, nous avons besoin de toi. Non, mais ils ont mélangé tout, là, en fait. Ouais, je sais pas pourquoi, mais tu veux que je fasse quoi, en fait? Oui, non, mais c'est parce que, oui, il y a des choses qui ont été dites avant. Alors, je redescends. Quetzal, bien que tu sois l'une des nôtres, tu es né dans le monde des humains pour que la prophétie se réalise. Quelle prophétie? L'horloge solaire est déréglée. Pour la réparer, nous devrions choisir ton double cosmique parmi ceux qui viendraient de Parle de l'Alémère. C'est une horloge solaire. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'elle marche mieux que ma boussole? C'est une des stars aussi, l'horloge. Elle a besoin d'être réparée. Elle est à l'heure deux fois par jour. C'est ce qui régit le fonctionnement de l'univers. Ouh. Normalement, quand le papillon s'envole ici, les nuages se déplacent là-bas. Hélas, aujourd'hui, les papillons... Oh, les papillons ne sont pas les seuls à déplacer les nuages, mon cher Teddy. Je connais un fabuleux horloger suisse. Si vous voulez, il peut vous régler ça. Mais par contre, les papillons, j'ai jamais vu de papillons déplacer des nuages. Hein. Tais-toi, ignare, tu es la trouille des papillons. Tu ne connais rien de puissance cosmique. Ah, je connais la cosmétique, si tu veux, par contre. Ça, alors, moi, que devons-nous faire? Oh, Dieu Soleil! Oh, Dieu Soleil, oui. Ah, ça y est. Célébrez votre union devant vos deux peuples réunis dans la paix. Ah bah si, je vais pécho. Seul ce mariage rétablira l'équilibre de l'horloge solaire. Et peut-être retrouverez-vous votre tête d'ailleurs que je vous ai fait perdre tout à l'heure. Pour que cela fonctionne, nuls autres humains ne doivent connaître la prophétie avant le mariage. Et pof! Ils sont plus avec les dieux. Ils disparaissent. Qu'est-ce qui se passe? Inti les renvoie directement chez les Incas. Allez, au placard. Ah, validé, je te dis pas. Alors évidemment, donc la discussion, je te dis pas, entre Mango Inca et Quetzal. Ah, je vous en cause pas, là, c'est un bordel pas possible. Ils se disputent. Quetzal, tu m'as désobéi. Mon Mango Inca, je t'ai empêché de faire une énorme erreur. Le fait d'être ma sœur ne te donne pas tous les trois. C'est pas moi. Si. Non. Ah non. Si, c'est Hernan, pardon. Ah mais non, mais c'est à moi d'intervenir. Attends. Et si tu veux mon avis. Non. Ah ouais, c'est vrai, c'est pas bête. Mais je te donnerai quand même. Je m'en fous. C'est pas que de sa faute. Hein. Si tu veux, j'ai un pote, il est dieu, et il lui a dit de faire ça. Ouais, donc t'as pas forcément désobéi, elle obéit plutôt aux dieux en fait. Depuis quand les dieux sont les amis des envahisseurs? Ah bah écoute. Et je sais pas, hein, je l'ai rencontré, on a bu un verre, c'était sympa quand même. Je t'en prie, mon frère, écoute-le, il n'est pas comme les autres. Ouais, j'ai bu avec ton dieu. Oui, mais il est espagnol, donc il est forcément mauvais. Pablo espagnol. Ah, j'avoue là. Pablo Escobar. C'est pas un bon argument ça. Alors, tu seras obligé de me sacrifier avec lui. Il sera fait selon ta volonté. Quoi? Vous serez sacrifié dans 7 jours. Me sacrifie-la toute seule. Oh, ça va. Non, mais commentez, non. Toi. Tous les deux ensemble. Je t'aime bien, mais je te connais pas à peine, je t'ai même pas présenté à mes parents. Non, mais je me donne pour toi, non, et toi tu me laisses me. Voilà quoi. Ce que tu sais pas, le petit roi là, c'est que le dieu nous a dit grand. De nous marier. Hein. 1m60, c'est pas très grand. Bon. Je suis grand quand même. Par contre, si tu veux, il y a un truc qu'on peut faire. Est-ce que tu connais ce que j'ai sur la tête? Non. C'est quoi ton truc? Regarde, ça s'enlève. Ça bouge pas. Voilà. Pète au casque. Ça s'appelle un casque. C'est quoi ton truc? C'est bizarre. Magique. C'est très bien. Si je te donne mon casque, est-ce que tu nous laisses partir? Bizarre. Ouais, je sais, c'est bizarre, mais ça protège bien la tête. Et moi aussi, je veux partir en vie, hein, on se calme. Hein. Oui, ouais, mais je t'emmène avec moi si tu veux. D'accord, ok. Je te présenterai à mes parents avant de se marier quand même. Ouais, un minimum. C'est mieux. Deux casques, et vous pouvez partir. Ok, pas de problème. Je connais là-bas, il y a un petit groupe de gens avec moi là. Ils ont plein de casques. Si vous voulez, vous pouvez leur lancer des lances et comme ça, vous pourrez choper des casques. D'accord, ouais, va pour deux casques. Allez, top là, ma poule. Allez, c'est parti. On fait comme ça. Et ils se marièrent et eurent beaucoup de casques. Quetzal, je peux te rebaptiser Martine? Vas-y. Voilà, c'est mieux. sauf que. Ah, les casques n'étaient pas du goût de Manco Aka, donc il a maintenu sa sentence. Ils sont trop petits. Oh. Le salaud. C'est ils sont trop petits, ces casques. Ils sont mono. Violence. Ils sont pas salauds. Salted Man in China. 7 jours plus tard, ils sont conduits vers le bûcher. Oh merde. Oh, c'est triste. J'ai pas eu le temps de te présenter à mes parents. On aura cramé quoi. Un bon barbecue là. Et là, que se passe-t-il encore? Et ben, il y a Jeanne d'Arc qui débarque. Pas la même époque. Et en plus, ça rime. Ça va flamber. Ouais. Ça crame. Et ben là, bizarrement, dis donc. Et ben là, c'est la déesse de la lune, Mama Kia, qui se manifeste en masque en soleil. C'est pas un orage, c'est pas les dieux. Ils ont pas bientôt fini de me faire chier, ces dieux. Bah ouais. Franchement, je pense que tu devrais les écouter, je dis ça comme ça, mais bon, ils ont l'air un peu cons, tu vois. Bah, je crois les sacrifices, c'est plus à la mode. Mets-toi à la page. Ouais, je crois que chose, les dieux sont tombés sur la tête. S'ils étaient tombés sur la tête. Hein. Ça irait encore. Ouais. Alors, donc, il fait noir, et que se passe-t-il? Bah, il fait noir. Il y a un auditeur qui appelle et il a peur. Il veut des nouvelles de Sébastien. Bon, bref. Que se passe-t-il? Eh bien, pendant qu'il faisait nuit, Hernan et Quetzal ont disparu. Ouais. Chut, magie. Ils où l'ont pas sont-ils? Quelqu'un sait-il où ils sont arrivés? Au ciel, je sais pas, j'en sais rien. Je dirais pas loin de la frontière espagnole. Non, en fait. Ah non? Je vais tout vous expliquer. Ah, je me suis trompé peut-être de. Inti s'est dit, faut sauver la prophétie. Ouais. S'il les brûle sur le bûcher. C'est pas cool, hein? Bah, ils seront brûlés. Ah, oui, comme barbecue, il y a mieux. Donc, franchement. Alors, donc, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il les a rappelés chez lui, il a accordé à lui des protections. Ça va mieux. On est au paradis, c'est cool. Et ils ont bu du café, l'or. ça, je n'avais pas le détail. C'est je te remercie. C'est l'or, mon seigneur. Alors, la légende dit que depuis ce temps, la grande prêtresse a. Pardon, je vais pas fouiller. Il est mort de rire. J'ai fait quoi du coup? Ouais. Ça l'a perturbé. Je sens la fin, tu sais, ils se marièrent, ils eurent beaucoup d'enfants. Non, pas tout à fait. Non, ah non, c'est pas vrai, ils se sont. Pas tout à fait, la grande prêtresse. Et non, pas pétresse qui pète le feu. Non, j'ai dit pétasse, pardon. Ah, merci. J'ai bien dit que ça avait fourché, je me disais aussi. Il y a un moment, j'ai de la merde. C'est pas la même quand même. Donc, avec Hernan, le conquistador espagnol. Reste depuis ce temps chez les dieux, dans l'espoir qu'un jour... On va pas se mentir, c'est quand même vachement cool. Ouais. Dans l'espoir qu'un jour, les deux peuples fassent la paix. Ah. Et puissent enfin... J'ai quand même magnifique. Un F4 ici disponible. On paye pas le loyer. On a de la place, hein. Bah ouais. C'est déjà prévu pour les mômes. C'est quand même fou le bordel que je peux accueillir chez moi. Hein. Ouais, clairement. Donc voilà, c'est voilà, une légende parmi d'autres. Moi, c'est cool. Vous faire voyager On a voilà. failli crever sur le bûcher, oui. Mais ça va sinon. Ah, tu rencontreras jamais les parents du coup, hein, parce que c'est pas à porte à côté. Hein. Ouais, bah non. Ouais, et puis le temps que la prophétie se réalise, à mon avis, on est mal là. Ouais, mais c'est pas faux. En attendant que la prophétie se réalise, on peut écouter une musique. On peut écouter. Oui, je pense qu'on a largement le temps. Une petite légende. Par exemple, on peut écouter Ibel Issue sur Indestar. PK Avenger, c'est comme. Dans Duke Dumpkin. Oh ouais, c'est l'heure de botter des culs. Mais en différent. Nous sommes sur Indestar pour l'émission PK Avenger 2.0 où nous avons parlé de mythes et légendes. Alors, il y a une séance photo dans le studio, je crois. Fais un sourire à la caméra. Alors, je crois qu'il y a une belle séance là, non? Oui, on est magnifique, on est beau. Ouais. Bah, d'ailleurs, t'as bien raison d'immortaliser. Si vous voulez ça. Participer à cette séance musique, vous pouvez toujours venir. Non, c'était séance photo là. J'ai dit quoi? Musique. Ah ouais, bon bah je me tais alors. Mais bon, ouais, on est sur déjà s'il rate, c'est pas. Mais on sera encore plus beau demain parce qu'on fait une émission spéciale, on sera déguisé demain. Oui, oui. Pour Halloween, on fait une émission déguisée, vous aurez des bonbons, vous aurez on aura la chance de participer, la chance de nous voir en vrai. Je sais pas si c'est une chance, mais bon, ça sera déjà pas mal. Bon, c'est déjà pas mal en vrai. On nous retrouve à quelle heure? J'ai oublié. Ah, tu sais pas, non, c'était une blague, j'ai pas oublié, c'est 21h23h. Bah oui, bah... Ça risque de durer mais un peu parce qu'on va être pas mal de monde. Hein. Déjà, j'étais rajouté au dernier moment quasiment. J'étais au courant 5 minutes avant qu'on commence. On va retrouver notamment des gens qui viennent pas souvent chez Nesta, mais qui viennent quand on fait des spéciales. Oui. Et ils vont venir principalement pour participer avec nous, pour faire des jeux, pour parler de tout ce qui touche à Halloween, de près ou de loin. Je pense qu'il y a moyen de bien on s'amuser. On vous attend à Indestar. Oh, venez. Ouais. En attendant, je crois que Thierry, il m'a. C'est ce que j'allais dire. Il m'a piqué un truc. Il t'a piqué. Ah, il m'a piqué un truc et c'est pas un bonbon. Il ferait pas un quiz par hasard. On va faire. Il a piqué son rôle de. Il va faire une transition en fait entre. J'ai l'impression que Teddy est un peu en colère. Hein. Jamais. Là, tu vois, c'est la première fois que je peux faire un quiz où je participe. C'est classe, hein. À vous. C'est cool. Pour une fois. Ça fait quoi d'être dans le rôle des répondeurs maintenant? Je me sens bien gagné, tu vois. On va essayer de vous faire retrouver votre tête. Il a perdu. Puisque je vous ai fait perdre la tête tout à l'heure. Maintenant, faut retrouver les neurones parce qu'il va falloir réfléchir. Certes. Attends, je pense ma tête. Ça va être scolaire, c'est ça? Non, mais on va continuer à parler de créatures, mais en fait, de l'origine et du sens des mots, par exemple fantômes, des choses d'accord. comme ça. D'accord. Hein, pour faire une transition avec Halloween, puisqu'on va fêter ça demain ensemble. D'accord. Et justement, que signifie le mot fantôme? Voici ma première question. Que signifie le mot fantôme? Alors, il vient du latin fantominus, qui est un Pokémon. Tu recommences encore. On peut beaucoup trouver actuellement. Pas type ténèbres. Spectre poison. Oui, pardon, fantôme. Fantomas. Vous connaissez Fantomas? Oui, c'est ancien, oui. Mais on en a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des propositions? Fantomatique, fantasmagorique. C'était Louis de Funès, non? Fantomas. Alors, il y a des propositions. Fantomas, oui. Oui, c'était Louis de Funès, non? Oui. Oui. Il y a eu Fantomas se déchaîne, Fantomas contre Scotland Yard. Waouh, le premier, je sais plus lequel. Bah, il s'appelle Fantomas. Pourquoi tu connais ça? T'as pas le droit. Mais si, mais c'est trop bien avec Louis de Funès. C'est illégal, t'es censé être jeune. Mais c'est trop bien. Moi, je le félicite. Il a une connaissance filmothérapique. C'est la seule connaissance qu'il a. Comment ça fait toujours une connaissance que toi? Non, mais je connais en vrai. J'ai vu. Et d'ailleurs, Louis de Funès c'est très populaire auprès des jeunes. Hein. Ouais. Enfin, il était. Ouais, mais les jeunes d'il y a 40 ans. Il a un humour vachement bien. Je viens de voir une étude, un sondage il y a pas très longtemps. Quelle que soit la catégorie d'âge, à part les plus vieux, il est dans les 10 premières personnalités. À tes souhaits, Kevin. Bon. Merci. Ça t'a pas pour en dire aux fantômes? Non. Alors, on cherche le sens donc, par rapport à l'origine du mot. Ça a un sens, les fantômes? Donc, est-ce que ça a peut-être une direction? C'est des directions qui viennent d'au-dessus. Si tu mets le drap à l'envers, en même temps, tu vois plus rien. Ou d'en-dessous, ça dépend si tu prends les pieds dedans. Par exemple. Est-ce que le mot fantôme désignerait un mort? Ah. Par exemple, ouais. Est-ce que ça désignerait une âme ou est-ce que ça désignerait une illusion? Est-ce que c'est qu'une illusion? Oui, c'est quelque chose qui n'est pas vrai. Voilà, on a l'impression de voir. Par exemple, quand vous regardez le soleil, vous avez l'impression qu'il est tout petit, mais c'est la distance qui fait qu'on le voit tout petit alors qu'il est énorme. Hein, bon. Voilà, ça c'est une illusion. Donc, est-ce que c'est un mort? Est-ce que c'est une âme? Ou est-ce que c'est une illusion, le mot fantôme? Qu'est-ce que ça désigne à l'origine? C'est bien pensé tes réponses. Ouais, c'est... Je suis un peu triste. C'est très fourbe. Moi je dirais que c'est une âme. Disons que c'est associé à. J'aurais dit la même. On a tous fait une notation différente, tout va bien. Oui, il y en a un qui a marqué. Alors, il n'y a que le paradis qui a droit d'avoir bon. Ouais. Mais c'était logique, les gars. C'est une illusion. Mais oui, bien sûr. Ah putain, j'avais mis ça. Où était votre cerveau là? Bah, à l'arrêt. Bah oui, c'est pas une illusion. Mais si, c'est une illusion. Alors, ça vient de l'Asie mineure. Fantagma, un fantôme est une apparition, une vision, une image offerte à l'esprit par un objet. Selon le Trésor de la langue française, transcrit en latin fantasma, le mot a été véhiculé dans le latin de Gaulle. Par contre, Teddy, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que son quiz est faux vu que Linda a eu bon. Comment ça? Ça veut dire que je suis débile, c'est ça? Non, ça veut dire que moi et Teddy, on a eu faux, donc ça peut pas être bon. Elle est descendue, elle est descendue du paradis pour nous donner la bonne réponse. C'est quand même. C'est une illusion. C'est ça. J'allais dire, tu peux remonter. Donc, je pense que Thierry veut d'autres sablés. Ah, c'est peut-être ça. Ouais. Teddy a versé sa larme. Premier quiz, déjà faux. Tristesse. Je vais peut-être tenter la Jolane alors. T'es nul. Allez, un point pour Linda. Un sorcier. On en parle beaucoup des sorciers. Ouais. Harry Potter à l'école des sorciers. Oui, il paraît. Ouais. Oh, plein d'autres choses. Bon, mais un sorcier, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a une baguette. Voilà, à l'origine, c'est un sorcier. Sorcier. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, t'es un sorcier, Teddy? Un sournois. Ouais. Un sournois. Vous savez ce que c'est un sournois? Quelqu'un qui est sournois, il est vicieux. C'est un sourd qui se noie. Il cherche surtout à défendre ses intérêts. Un diseur de sorts. Quelqu'un qui vous prédit ce qui va vous arriver. Ça, c'est la merde. Pas forcément le diseur, c'est pas des choses. Hein. Ouais. Ou un serviteur de Satan. Ah. Un sournois, un diseur de sorts ou un serviteur de Satan. Il y a quelque chose de négatif un peu dans les trois, quoique les sorts, bon, ça peut être bon peut-être. C'est vrai. À votre avis, que signifie un sorcier ? Est-ce que c'est un sournois, un diseur de sorts ou un serviteur de Satan ? A, B ou C, si vous mettez D, vous aurez faux. La réponse D. Et vous serez brûlé avec les personnages que nous avons condamnés. Sur le bûcher. Franchement, j'hésite. Nous les avons mariés sur le bûcher. Moi, j'aime bien les trois réponses, j'ai un problème. Moi aussi, j'aime bien les trois. Bah, moi aussi. Parce que ça a forcément un rapport. J'ai écrit quoi ? Ah oui, la 2. Déjà, tu te souviens plus ce que t'as écrit, ça devient alors. Entre la 2 et la 3. Il y a que Daniel. Ouais, moi aussi. Il y a que Daniel qui a faux, même si les trois sont liés, hein, mais c'est un diseur de sort. J'adore. Mais oui. C'est moi qui est en course pour la Jolane. Bon sur cette... Du latin sortarius. Il y a tout le monde sauf Daniel. D'accord. Je suis le seul en course pour la Jolane. Ça vient du latin sortarius qui est donc le pluriel de sort. Jusqu'à la fin du 15e siècle, un sorcier est aussi un devin, un enchanteur, un charmeur. Oh, j'en connais certains, moi aussi. Charmeur, oui. Souvent, sorcier, c'est associé à quelque chose de négatif quand même. Parce que les enchanteurs, tu vois, c'est plutôt positif. Enfin, plutôt Merlin, gentil, quoi. Ouais, voilà. Mmh. Alors que les sorciers, c'est souvent le mauvais rôle. C'est la magie, même du mauvais côté. C'est alors, la magie on me dit que tous qualifient un individu détenteur de pouvoirs merveilleux. Donc, ça oui, peut c'est aller pas dans faux. Un sens ou un autre. Hein. Oui. Au XVIe siècle, l'élaboration du concept de magie et l'apparition du terme magicien fait que sorcier ne désigne plus les vils artisans de maléfices qui participent au sabbat et se vendent au diable. Explique le trésor de langue française. Donc voilà, donc ça prend une connotation positive, hein, ça n'est plus que négatif au XVIe siècle. D'accord. Nous avons parlé tout à l'heure de gens qui mangeaient du sang. Ah, des vampires. Voilà, bon. J'ai nommé Dracula, Frankenstein, etc. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire le mot Dracula ? Ah, est-ce que le mot Dracula, qui sonne comme dra quelque chose, bah, serait un dragon ? Désignerait un dragon ? Ou est-ce que je vous mène sur la fausse piste ? Est-ce que je vous fais avaler des couleuvres, comme ouais, je vous disais ouais, tout ouais, à l'heure ouais. Saleté de serpent ? Est-ce que je suis un diseur de sorts ou, hein ? Ou est-ce que je vous mène sur le bûcher avant de vous donner votre sort ? Un peu tout à la fois. Un peu tout mélangé, oui. Ouais, ouais. Est-ce que on c'est confirme. Un dragon ? Est-ce que c'est un monstre ? Est-ce que c'est un démon ? Dracula, un dragon ? Un monstre ou un démon ? Ou les trois à la fois ? Parce que Teddy nous fait ça des fois aussi. C'est vrai qu'un monstre et un démon... Dracula. Oh, j'ai pris des mots qui commençaient par dra. Vous êtes dans de beaux draps. Mais allez voir, ils vont s'en sortir. C'est quoi la différence entre un monstre et un démon ? Parce qu'un démon, c'est quand même un monstre. Oui, mais un démon, c'est un démon. Et un monstre, c'est un monstre. Merci. Il y a le bon et le j'adore mauvais ton chasseur. Explication. Monstre à l'origine, celui qui n'est pas conventionnel, qui a des choses qui sont différentes, un monstre. Des démons, tu as cette idée d'avoir des commandements qui viennent du diable. Hein. Du sacré, réponds, quoi. Parce que j'essaie d'avoir des infos, tu vois. Tricheur. Allez, joue. Alors, parce qu'un monstre, ça peut être un démon, mais un démon n'est pas... Quelque chose qui fait peur. Stop. Le bossu de Notre-Dame qui fait peur, on le considère comme un monstre, mais par contre il n'est pas doté d'intention. Les démons sont des monstres, mais les monstres sont pas des démons. T'as compris la différence ? Oh, je le savais, mais j'essaie d'avoir des infos. Oui. Dracula est-il un dragon, un monstre ou un démon ? Eh ben c'est pas parce qu'il commence par Drac, c'est un dragon. Alors, je vois démon. Eh ben c'est un dragon, figurez-vous. Ah bah non ! C'est un démon. Vous êtes nul ou alors mon questionnaire totalement faux. Explique-nous. Alors ça peut être les deux. Dans l'origine insolite des noms de héros de fiction. Donc c'est un livre célèbre de Philippe Lombard. Bram Stoker, c'est celui qui a écrit le roman gothique de Dracula en 1897. Tira le nom du célèbre vampire en étudiant l'histoire de Vlad Bazarab, prince de Valaki surnommé l'Empaleur, mais aussi Dracula. Ce nom puise son origine dans l'ordre du dragon dont le saint empereur romain, le roi Sigismund, décora le père Vlad en 1431. Ce dernier prit alors le nom de Dracula et Vlad, pour honorer son père, se fit appeler Dracula, le fils de celui qui a reçu l'ordre du dragon. Ah, en Roumanie, Dracula peut vouloir dire Satan aussi. On peut également se référer. Ouais, bah on t'est pas loin avec démon. Latin hein. Draca qui signifie dragon, diable ou pieux. Donc Dracarys. Peut être. Alors moi je trouve qu'on mérite quand même un demi-point vu qu'on n'était pas si loin. Un demi-point dans ma gueule. Oui, avoir tous un demi-point au final. Un demi-pieux dans ton cœur. Ah non, je veux pas un demi-point parce que je ferai pas une Jolane après. Bon bah alors tout le monde a demi-point sauf Daniel. J'ai une info peu importante, mais j'avais un petit chat noir que j'ai appelé Vlad. Vlad Stepech parce que ça venait de Vlad. Ah, te Vlad. Vlad, c'était pas. Est-ce que Vlad Ymir, ça a à voir avec Vladimir Ilitch? Eh ben, est-ce que ce serait pas un vampire? Ouais. Bon, vous en voulez encore? Ouais, bah oui. Bah oui, on est fou. On va pas faire Frankenstein, mais je vais juste vous donner la réponse comme ça. Pour l'autre vampire, Frankenstein, ça viendrait de Prométhée, si vous avez déjà entendu parler. Frankenstein, ça vient de Prométhée. Ouais. Wow, t'as de la connaissance. Oui, t'as vu? Je mérite un point, non? Tiens, en pensant à toi, qu'est-ce qu'une momie? Ça, c'était facile. Ouais. Hein. Non, il a réussi à cicatriser avant qu'on l'embaume. Oui, c'est bon. On l'a récupéré. Bon, que qualifie une momie à l'origine? Vous savez ce que c'est qu'une momie? Oui, bon. Momifiée. On en parle notamment avec les pharaons. C'est une technique donc, pour embaumer les gens. Alors, pour conserver les corps, c'est comme ça qu'on a retrouvé des restes de pharaons, notamment donc dans les pyramides. J'ai eu cette chance de visiter une pyramide. Ah oui, j'ai eu cette chance d'être momifiée. Non, du tout, mais d'aller en Égypte, c'est de voir des momies d'ailleurs. C'est une chance pour la pyramide. C'est le petit enfant qui appelle sa grand-mère momie. S'il est anglais, c'est normal. Donc la momie, c'est ma grand-mère. T'es en train de dire que je suis grand-mère? Non, j'ai pas compris. Non, la momie, c'est ma grand-mère. Momie, ah oui, momie, c'est la grand-mère. Oui, en anglais. Momie, ça peut être maman, déjà. Hein, oui. Bon, voilà. Bon, bref. Et une grand-mère égyptienne, c'est pas momie alors? Ah non, ça m'étonnerait. C'est grand momie. Grande momie. Par exemple. Momie dans la case. Du coup, la question, c'est qu'est-ce qu'une momie, ça? Alors, une momie à l'origine, est-ce que ça désigne un corps embaumé, un corps dont on a vidé les organes ou un corps enveloppé? Ça désigne un corps, mais est-ce que ça désigne un corps embaumé, un corps dont on a vidé les organes, et je vais pas vous raconter comment. Bah si, tu pourrais. Et Copiteur, t'es un dit, corps enveloppé, c'est très intéressant. Oui, c'est la façon dont on prépare, on prépare. C'est qui a un souci, encore. C'est toi? Non, ça écrivait presque plus. Ah, c'était ça le cri? Oui, ah, t'as dit. Ça écrivait plus. Un corps embaumé, un corps... dont on a vidé les organes, un corps évidé, ou un corps enveloppé. Oui. Ils ont enlevé les organes? Je sais qu'ils les mettent. C'est chelou quand ils même. Ils avaient des jarres aussi. Ouais, mais à côté. Ouais. Mmh. On enlevait les. D'après ce que je me rappelle, on enlevait les organes et on conservait le cœur, je sais pas si le poids, les principales organes vivants qu'on mettait à part. Dans une urne à côté, ouais. Ça, avec l'animal rappelle, de compagnie, le change en général. Mais on général. Les embaumait quand même. Oui. Du coup, c'est quoi la bonne réponse? C'est un peu les deux en vrai. Est-ce que le terme désignait ce que c'est en fait, hein? Le terme à l'origine, est-ce que c'est vraiment nous comme on appelle, ou est-ce qu'à l'origine c'est autre chose? Est-ce que momifier ça veut dire enlever les organes? Est-ce que ça veut dire enlever les organes? Moi je dirais c'est embaumer. Envelopper. Parce que d'embaumer il y a un. Tout simplement, envelopper, mettre dans une enveloppe. Et donc. Et on met un timbre. La réponse. Les trois. Moi je dirais les trois. C'est lié aux trois, mais j'ai pas été aussi vicieux que notre quizman fétiche. T'as vu que je me suis, pourquoi pas avoir fait une question un peu par. Non, j'aurais pu le faire, mais en fait, comme j'ai trouvé le questionnaire très bien fait, je me suis pas foulé, j'ai recopié. D'accord. Tu nous as fait. Mais sinon, j'aurais pu le faire parce que je me suis dit, oh là, t'es dit un jour, je vais lui faire payer ce qu'il nous fait bouffer. Et le pire, c'est qu'à chaque fois qu'il le fait, je suis le seul à avoir bon, souvent. Et du coup, t'as pas une info quand même plus. Une info? Non. Tout est dit dans la question. J'ai pas dit une info, j'ai dit une info. Oui, mais on peut faire de la liaison. En français, on fait beaucoup de liaisons. Oui. Des liaisons dangereuses. Pourquoi tu me regardes? Oui, bah oui. Donc, du coup, t'as rien à nous apprendre en plus? C'est-à-dire que je vous dirai. Non, après. Mais de toute façon, il a vidé la bête, il a fait cuire le cœur. Alors, vidé. Les trois. Les trois. Donc, tu. Bah, je vais te vider. Bah, je reste. Je vais te vider dehors, allez hop. Et je reste sur mon idée. J'avais mis la une, moi, juste embaumé. Oui, bah, c'est ça. Donc, si je considère, c'est Kevin qui a la bonne réponse. En fait c'est. Non, c'est en. Ah oui, pas vidé, mais embaumé à la une, hein, c'est ça. Ouais. Donc, c'est effectivement un corps embaumé. Hein, Donc, t'as gagné. C'est bien. Du coup, c'est pas les trois. Terme emprunté à l'arabe. Alors, je ne sais pas lire l'arabe. Ça s'écrit M-U-M-L-I-A, Memlia. Mélange de paix et de bitume. Substance dont les Égyptiens se servaient pour embaumer leurs morts. J'ai compris de paix. De paix. Même si, bon, voilà, je ne sais pas lire le persan, je ne sais pas lire l'arabe. Ouais. Mais c'est à la base un corps embaumé. Voilà. Ils utilisent des gaz pour embaumer les gens. Alors, la gaz, vous savez, la bande. Quand on est autour. Ah oui, d'accord. Parce que... ça. Et sinon, j'ai entendu l'épée. Moi aussi, j'étais resté sur l'épée en fait. Sinon, liquide, alors je sais pas exactement, mais chloroformé, autre machin, je sais pas. Tu crois qu'il y avait déjà ça à l'époque ouais. D'ailleurs, tu parles des momies, il y a une petite histoire qui est vraie, qui n'est pas une légende. On a retrouvé une momie vivante. Non, non. Est-ce que quelqu'un... Non, mais on a momifié des gens vivants. On ouais. On a, ça, c'est on, pas faux. On est-ce pas que vous savez, ça revient aux momies, ça revient aux légendes, etc. Parce qu'il y a plein de légendes autour de cette histoire. Savez-vous pourquoi les papiers de boucher où on abale la viande sont jaunes? Sont jaunâtres. Je dirais parce que... Pour que le ça sang... évite les taches. Ouais. Non, j'aurais dit plutôt les taches de graisse. Ça alors, se voit ça, pas. Ça a à voir avec les momies, justement. Parce qu'on conserve mieux ? Non, c'est le truc tout c'est, bête. C'est couleur de la bile ou quoi ? Non, c'est parce que les industriels, ils cherchent toujours à économiser des sous. Ah, et c'est moins cher. Les premières momies, quand ils les ont trouvées, ils en ont trouvé plein, et ça a fait, je vais dire, des tonnes, justement, de bandelettes. Et il y a un industriel qui a eu l'idée de recycler ça en papier, et qui utilisait à l'époque des papiers alimentaires, c'était les bouchers. Oui, mais il y a longtemps, là. Donc c'est fini, il n'y a plus de réserve, là. Oui, il y a une centaine à trouver. Ah, c'est comme ça qu'ils ont sauvé la couche d'eau jaune. Ça doit être très cher, maintenant, le papier, les bandelettes de momies. Je pense que ça doit... Alors, pour finir l'histoire, on a parlé de légendes de momies, parce que tous les gens qui achetaient de la viande emballée comme ça, ils finissaient par mourir. Ah oui, c'était pas parce terrible, que, quoi. Parce que finalement, il y a quand même des impuretés qui sont passées. Les traitements, surtout à l'époque, ils étaient ce qu'ils étaient. Hein, et il y a des impuretés qui passaient. Et avec le contact avec la viande, ça polluait la viande. Et ça la rentrait propre à la consommation. Super. Et donc, c'est pour ça... On faisait de la culture de bactéries. Les vegans sont apparus à cette époque. C'est peut-être et ils pour sont ça toujours en vie. Ils ont bien raison. C'est peut-être pour ça qu'ils sont toujours en vie, oui. Allez, on parle de loup-garou parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Ouh. Alors, loup-garou, loup, ça nous parle, mais garou, à part les plaisanteries sur le chanteur, ça vient de Garouaf, qui vient lui-même de Werewolf. Qu'est-ce que ça veut dire que garou dans loup-garou ? Garou, ça veut dire garou. Ça veut dire garou. On s'est donné une définition de ce loup un peu bête, bête féroce, machin, bon, assoiffé, truc. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire garou ? Moi, je sais. On appelle le chanteur. Moi aussi. Mais je sais pas si j'ai la même explication. Garou, si tu veux nous appeler 0970 407 306. Ouais. T'es dit, tu sais quoi du coup? Je vais pas le dire. Bah si, mais il faut répondre ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? Alors si, si vous avez une proposition sans que je fasse de proposition. Ah non. Ça vaut 2 points. Mais par contre, si vous vous plantez, vous perdez tout le jeu. Vous perdez tous les ballons. Vous n'avez pas le droit de venir demain. Vous serez momifié avant la fin de l'émission. Ok. Alors, dans ces conditions, je ne vais peut-être pas répondre. Ouais. Des fois que t'as pas la même réponse que Thierry. C'est oui. Mais j'ai une définition parce qu'elle est donnée dans Harry Potter. Ah. Bon, ça serait intéressant quand même à savoir. Allez hop. Peut-être. Dis-nous. Il dit que ça vient d'un. Alors, je sais plus de quelle langue, mais du mot Garouaf. Je sais plus de quelle langue. Et qui lui-même vient de dire. Enfin, qui vient du mot werewolf. C'est une déformation du mot werewolf. Et qui, dans une autre langue, encore une fois, werewolf, ça veut dire homme-loup. Werewolf qui est loup-garou en anglais, on les appelle les werewolves. Et ça veut dire. Du coup, c'est une traduction. Le loup-garou, mais je sais pas le were, ce que ça veut dire. Je sais pas. Moi, il me dit que ça veut. Après, ça veut dire loup-garou dans la langue de werewolf. Enfin, werewolf. Ouais. Voilà, donc ça voudrait dire homme-loup. D'accord, pourquoi pas. C'est une des propositions que j'avais. Pourquoi mais c'est pas, pas ça. Pourquoi ouais. pas. Kevin a une proposition qui serait loup. Ça ferait il loup. Il a répondu la bête. Simplement. Loulou, parce qu'on le surnomme Loulou. Et tout simplement. Il pense que c'est féroce, un loulou. T'es un sacré loulou, toi. Ça peut pas être loup, vu qu'il y a déjà de loup. Moi, j'étais un sacré kéké, moi. Mais... ah, ça. Est-ce que vous avez une proposition non, comme tout. Ça non, moi, sachant pas que ça. Loup était aussi une proposition. Loup, homme, mais j'en avais une autre. Loup. ça se comporte comment un loup-garou ça grogne. Être... Sauvage. Alors ça pourrait être rapproché peut-être d'un autre animal. Le chien. Ouais. Eh ben, vous avez les trois propositions. D'accord. Est-ce que garou dans loup-garou désigne un loup, un homme ou un chien? Ou les trois, ou deux, ou... Oh, ou ça y est, on va perdre notre tête pour le coup. Voilà. Hein. Merde, j'ai écrit Homer. Mais quel con. Homer, j'ai marché dedans. Ouais. Homme, loup. Ouais, homme. Je reste sur mon loup. Du coup, je. Alors, je sais plus dans quel ordre je les ai donnés. T'as dit. Ah, c'était chien, c'était chien la dernière. Ouais. D'accord. Et ben, en fait, c'est notre sacré loulou, notre sacré kéké qui a la bonne réponse. C'est un loup aussi. C'est un loup. Bravo! Alors. Bah, c'est nul! Le mot loup-garou est un pléonasme. Un pléonasme, c'est quand on dit deux fois la même chose, si d'accord. Vous voulez. Selon le littré, le terme loup se trouve deux fois, l'un sous la forme française, l'autre sous la forme germanique. Donc t'étais proche, parce que l'anglais est aussi une langue germanique, hein, anglo-saxonne et germanique. On peut aussi nommer Séphérosbeth des lycanthropes. Oui, ça c'est vrai. Mais c'est, alors, ça donc, fait partie donc, de la famille des lycanthropes. Mais, voilà. Sacré loulou. Certes. Ouais. Bah, je suis un peu triste quand même. Eh bah écoutez, je vais arrêter là parce que comme il y a une émission demain, je pense qu'il y a des choses qui concernent un peu plus à l'eau. Ah vraiment ? Et bon, c'est triste. Bah sinon il y a le mot sirène, mais ça n'a rien à voir ni avec aujourd'hui ni demain. C'est une sirène peut-être. Bah que... pourquoi pas, parce que il y a une parfaite égalité quasiment sauf Daniel. Daniel a fait une Jolan. Ouais. Mais sinon il y a deux points pour tout le monde. Fais gaffe Jolan, t'as de la concurrence là. Ouais, non mais ouais. Une fois j'ai fait cette quand il y avait cette question, j'ai fait zéro hein. Ah ouais, ah donc ouais. T'es un champion du jeu là. Et puis, les semaines suivantes, j'ai fait 5, 6, 7 réponses. Bientôt une Danielle. Ça peut se faire, ouais. Ça peut se renommer, oui. Ouais. C'est en temps de suite, la Danielle. Il va prendre sa place, en fait. Allez, sinon, pour faire un lien avec demain, le mot zombie, d'où il vient, de quelle origine? Alors, du Mozambique. Le mot zombie viendrait du Mozambique. Ah, le mot zombie. Pourquoi pas? Alors le mot zombie, eh ben peut-être est-ce que vous avez une proposition sur d'un continent peut-être. Alors là j'en ai aucune idée par contre. Est-ce qu'on est plus en Europe? Est-ce qu'on est plus en Amérique? Oh, non, en Amérique plutôt. Ouais. En Europe, en Afrique. Est-ce qu'on est plus alors zombie. On dirait bien Afrique, ouais. Est-ce qu'on serait au Groenland? Non, parce qu'il n'y a personne au Groenland. Est-ce qu'on est en Australie? C'est un continent aussi. Ah peut-être. J'hésite entre l'Afrique et l'Asie. Moi ça je vais mettre l'Europe quand même. J'aurais dit l'Afrique, moi perso, ça viendrait d'Afrique. Une maladie qui transformerait les gens, enfin transformerait, qui les ferait un peu zombifier entre guillemets. Bah des grains de riz qui sont périmés, ça peut faire des zombies aussi. Hein. C'est pas faux. Des grains de riz périmés. L'Amérique, moi je défends l'Asie donc. Sud avec les rites qu'ils ont là-bas aussi, ça pourrait être possible ça. Moi je serais parti pour l'Amérique quand même. Les histoires de zombies nous viennent surtout de Haïti. Haïti, en Amérique, c'est les Polynésie, tout ça, non? Non, Amérique centrale, c'est les Caraïbes. D'accord. Mais ça vient pas d'une maladie ou un truc du genre? Ils ont cru. Pourquoi? T'as peur d'avoir attrapé la zombie? Alors, on nous dit que la plupart des histoires viennent de Haïti, mais que le mot viendrait du continent africain. Ah! Oh, c'est méchant! Oh, je sens que je vais me rajouter un point. Non, je sais pas. Voilà. Si je le fais, je rajoute un point. Bah, il y avait qui était partagé? Si tu as trouvé. Oui. J'ai dit Afrique. Moi, je suis pas pro du comptage de points, mais je crois que tu l'as fait. Oui. Mais quelqu'un d'autre avait dit Afrique, non? Ok. Non, moi, allez vous faire. J'ai dit Amérique centrale parce que c'est passé. Non, on le compte pas parce que je vais avoir un point. il veut pas de points. C'est vrai que t'étais déjà hors course, Daniel. Non, t'inquiète pas, t'étais déjà. C'est intéressant de se dire que le terme vient d'un continent et puis après les histoires se développent sur un autre. Ouais, donc, ça saute. Il est parti en Amérique avec Zoan. Je veux pas dire de conneries, mais je pense avoir entendu une histoire comme ça sur les zombies. Non, mais sur une maladie qui avait été déclarée, on va dire, entre guillemets, ou découverte, et ça transformait les gens, pas en zombies, hein, enfin pas en zombies qu'on connaît nous de la pop culture, mais ils avaient à peu près les mêmes symptômes, genre cerveau un peu déconnecté, qui bave, mais grosso modo. Ah bah c'est les gens d'Indestar, ça. C'était où ça du coup? Bah, sans à force de bouffer Afrique, des bonbons, parce que je me rappelle que de ça. Il y avait des symptômes, quoi. Ça se trouve, ils écrivent dans leur livre. C'est vraiment réel. Pour moi, ça vient. C'est un lien. Bah, peut-être, ouais. Ça viendrait peut-être de là. De toute façon, ça vient bien de quelque part. Hein. C'est pas faux. Il y a bien une étymologie derrière un truc du genre. Hein. Derrière beaucoup de choses, même derrière les noms propres, tout c'est de retrouver hein, quel était le sens d'origine. Très intéressant les sens des noms propres, hein, si vous vous intéressez à ça, allez voir. C'est pas toujours c'est propre ce qu'il y a derrière le nom propre. D'ailleurs. Mais il y a tellement de choses qui peuvent se trouver derrière ce qu'on appelle les gentilés, hein, les noms de gens qui habitent une ville. Hein, comment est-ce qu'on appelle les gens qui habitent Amboise et Amboisin, par exemple. Voilà. C'est très intéressant de savoir pourquoi ça s'appelle comme ça. D'ailleurs, il y en a des très marrants. On pourra peut-être faire une émission sur ça. C'est pas faux. Ça peut. Mais d'ailleurs, en parlant d'émission, c'est peut-être ce qu'on va faire demain avec une petite émission. Alors, un peu spéciale. Avant d'arriver là, j'allais dire, tu peux peut-être nous annoncer les résultats du quiz quand même. Ah, tu les veux? Bah, il a gagné. Ah, c'est sans surprise, j'ai gagné. Bah oui. On peut quand même, au moins quand même. Oui, alors j'ai gagné avec 3 points, si tu veux vraiment savoir. Oh, t'es nul. Ouais, mais j'ai quand même gagné. Ah, le maître des quiz a retrouvé sa place. Quoi. Ouais, bah, faut. Je reste Dieu quand même. Voilà. admirez-moi. Ça n'est pas toujours confortable. Faut bien le laisser gagner. Quand je vois, il va pas quand je vois ce que j'ai créé est devenu. bon, attention. J'aurais pas dû créer. Je crois que je vais redescendre sur Terre. Et puis après, il y a égalité entre toi, Kevin, et toi, Linda. oui. 2 points. On n'est pas nuls, ça va. En tout ça cas, va. Vous avez bien réfléchi, bien participé. Je ouais, c'est vrai, on mais... s'est creusé la tête quand même, non, mais c'était intéressant comme quiz. Et Daniel, bon bah. On ne dira pas par respect. Est-ce que j'ai un trophée, le Jolan d'or? Tu peux avoir tu un Jolan de platine, je pense, à ce stade-là. Mais je pense qu'on va mettre le Daniel d'or déjà aussi. Ouais, je pense aussi. C'est vrai. Alors, Jolan, quelqu'un t'a dépassé. Je vais vous faire un compliment, vous prendrez ça comme vous voulez, vous êtes des êtres fabuleux. Oh, c'est mignon. C'est mignon. C'est trop mignon. Je sais pas si on sera aussi fabuleux demain. Non, demain on va être moche, à mon avis. Vous serez affabulateur demain, menteur comme. C'est pas faux. Menteur, vicieux, arrogant. Demain, donc, on va être costumé, on va changer de personnage. Et comme ça sera pas nous, on a le droit de faire ce qu'on veut. C'est ça. Comme un carnaval. On a le droit d'inverser les rôles. Donc demain, Dieu peut devenir un serviteur. Oh merde. Ah, mais ça, c'est moche, ça. Dieu va devenir le diable. Je sens que ça va cramer. Tout pourra se passer demain dans l'émission spéciale Halloween. Halloween de 21h à 23h. Avec beaucoup de gens, clairement. Oui, beaucoup trop de gens pour les citer. Et d'ailleurs, vous aussi, vous pouvez même nous rejoindre si vous voulez, si vous habitez dans le coin. Si vous êtes de passage entre deux vies. Ah, pas de problème, vous pouvez venir. Si vous ne pouvez pas venir, vous pouvez quand même participer à l'émission nous en nous appelant. Nous appelons au 09 70 407 306. J'allais le lire. C'est génial. Et il sera intéressant d'être connecté pour nous voir, évidemment. Oui, évidemment, parce que ça sera les caméras, visuel aussi. On a un décor, mais qu'on garde caché jusqu'à demain. Qu'on garde secret. À part ça, vous pouvez aussi retrouver d'autres émissions sur Indestar, notamment le lundi avec Starter, l'émission Starter. Qui est du 21h à 22h, si je me trompe pas. C'est exactement ça. J'allais le dire, j'allais pas me planter. Non, t'as dit à 23, je suis sûr. Non. Ah, bah ça a commencé presque comme ça. Hein, mais, Starter, on parle évidemment de voiture. C'est réglé. Et le mercredi. Le moteur est bien réglé. Le mercredi, Actu Solite. Oui. C'est un peu fou. Hein. Je suis allé hier, c'était. Ah, c'est de la folie. Bah, du coup, si vous êtes fou, vous pouvez avec écouter Actu Solite. Si vous êtes normal, vous pouvez aussi devenir fou. Non, mais il y a des enquêtes et tout. Si vous n'avez pas perdu la tête avec moi aujourd'hui, continuez sur Actu Solite. Ça devrait aller. Et sinon, bah, tous les jeudis, on peut quand même nous retrouver. Non, on peut retrouver PK Avenger. PK Avenger, la pop culture. 23h. Et avec des quiz en tout genre. Oui, avec des quiz en tout genre, effectivement. C'est quoi le thème la semaine prochaine? C'est des dessins animés. Oui. Ah, ça parle à ça tout le monde. Top, ça. On va retourner dans manga notre enfance. On a le droit au manga. Bah, ah, oui. Manga, c'est les dessins animés. Oui, japonais, allez. Donc. Oui, c'est compté dedans. Voilà. Donc il y aura toutes sortes de dessins animés, hein, voilà. Que ce soit de toute époque. Pour les vieux. Voilà. Vas-y, dis-le. Allez, boum. Pour les plus jeunes. Moi, je vais dire pour les moins jeunes. Chercher à la caser depuis le début, mais ça y est. C'est pas vrai. Pour vous, les vieux. Ça va. Ça va cartooner, n'est-ce pas? Oui, voilà. N'est-ce pas? Oui, ça va cartooner. Ça va cartooner. Mais avant ça, évidemment, vous demain émission Halloween. Émission Halloween. Comme de plus en plus le vendredi, il y aura de plus en plus d'émissions spéciales. C'est vrai que vendredi, surveillez le vendredi quand même. Il y a des émissions un peu. Pourrait y avoir quelques petites surprises. Des trucs. Et n'hésitez pas à réécouter l'émission qu'on a faite vendredi, qui était quand même géniale avec Héloïse May. Oui. Vous pouvez l'écouter en podcast sur indestar.fr ou alors sur Spotify, Deezer. Et c'est les deux qui viennent. Podcast Addict. Sur Deezer et n'importe quel. Google Podcast. Ça doit exister. Alors celui-là, j'allais pas le dire. Ça existe, hein? Ça existe. Ah oui, si tu cherches. Nous fait signe, oui, on fait signe à mon oreillette que j'ai gagné un point. Alors, moi, on m'a dit qu'on t'enlevait un point plutôt. Ah, mais c'est pas grave, je l'ai trouvé quand même. Par contre, je confirme définitivement que podcast Daniel, c'était vraiment c'est fini. Un podcast fantôme. Ça n'a jamais commencé. Ça non, non, non, non, non. Ça apparaît ici à des jusqu'à ce que ça apparaisse, n'est-ce pas, les fantômes, ça apparaît forcément à un moment ou à un autre. Hein. Ah bah, peut-être demain, mais avant ça. Mais avant ça, on va t'écouter, Teddy. Ah bon? Ah non, j'ai pas fait de musique. Si. Non, c'est un autre Teddy. Si. C'est Teddy Savitch, l'autre côté. Tout est dit, n'est-ce pas? L'autre côté, on vous dit à demain sur Indestar. Bisous tout le monde! Bonne nuit! Les podcasts Indestar, toutes vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, sur indestar.fr et sur toutes les plateformes internet.